Alors j'espère que tout le monde a trouvé un endroit où s'asseoir. On est un peu dépassé par l'efficacité de notre communication. Alors juste pour vous prévenir, nos amis des associations Espace et Confluence sont en train de vous préparer du bon café. Donc si vous voyez des verres passer dans le public, n'hésitez pas à les prendre, à les boire. Voilà. Si vous n'en voulez pas, vous passez à votre voisin, à un moment donné, on se rendra compte qu'il ne faudra plus en faire d'autres. Voilà, alors, au nom des associations, du collectif d'organisation des Cafés Géo, nous voulions vous remercier chaleureusement d'être venus en si grand nombre et vous souhaiter la bienvenue pour ce premier Café Géo de l'année 2012-2013, ce nouveau cycle. Alors, comme vous le savez, les Cafés Géo sont organisés chaque année, enfin, ça fait quelques années maintenant, par trois associations différentes qui sont, alors historiquement, l'Université Populaire de Tours, donc une association d'éducation populaire fondée en 2005 et qui propose régulièrement des cycles de conférences gratuites accessibles au plus grand nombre sur des thématiques larges qui font débat au sein de la société. Il y a aussi historiquement Confluence qui est l'association des étudiants en géographie, qui est particulièrement bien représentée ce soir. Et il y a Espace, qui depuis 2-3 ans maintenant, participe de manière très importante et de manière très impliquée à l'élaboration du programme et à la diffusion de la communication. Et pour ne oublier personne, évidemment, Créville, qui n'est pas partenaire en tant que tel, mais qui nous aide, notamment ce soir, vous observez un petit micro devant nous, qui nous permet en fait de faire en sorte que ces cafés puissent être consultables sur Internet en podcast. Alors, le sujet de ce soir, vous le connaissez, vous l'avez déjà lu. On va vous emmener dans une dimension de la géographie qui est peut-être assez méconnue, qui est celle des représentations de l'espace. Alors notre imagination met en scène des lieux, des paysages, des territoires qui sont façonnés dès l'enfance. Et nos intervenants, donc spécialistes respectivement de géographie dans les jeux vidéo et d'albums pour enfants, donc Ovic Termination et Christophe Meunier, nous invitent donc à une exploration de ces espaces aux frontières du réel et de la fiction, en se posant la question des stéréotypes dont ces représentations peuvent être les porteurs, et comment celles-ci peuvent façonner nos visions du monde. Alors, vous connaissez le concept des cafés géographiques. Nous allons écouter un bref exposé de 15-20 minutes de chacun des intervenants. Et puis, l'idée, après, c'est de favoriser le dialogue avec vous. Donc, préparez vos questions pendant les exposés. Et après, nous aurons donc un temps assez long, jusqu'à 22h30 maximum, de débat et d'échange, de discussion avec la salle. Alors, Ovic Termination, vous êtes maître de conférence en géographie à l'Université de Tours, membre de l'équipe Construction politique et sociale des territoires du laboratoire CITER. Vous êtes spécialiste de géographie urbaine, notamment du patrimoine. Vous avez fait votre thèse sur Barcelone. Et plus récemment, vous avez commencé à vous intéresser à la place des jeux vidéo comme objet de recherche, notamment avec Samuel Ruffa. Et vous êtes auteur avec lui d'un article dans le livre Géographie des conflits et surtout d'un livre consacré à ces thématiques, donc paru tous les deux en 2011. Et donc, Christophe Meunier, vous êtes doctorant en géographie, donc doctorant malgré votre activité de formateur à l'UFM de Tours-Fondettes en histoire géo. Vous êtes à l'ENS, à l'École normale supérieure de Lyon. Doctorant avec Michel Busseau, que certains connaissent ici, au sein de l'UMR Environnement, Ville et Société. Vous êtes l'auteur d'un carnet de recherche, Les territoires de l'album, dont nous vous mettrons les références sur le site internet de l'UPT, donc lta.hypothèse.org. Donc je vais vous laisser pendant 10-15 minutes présenter les enjeux de cette question. Puis après, donc, nous allons enchaîner avec le dialogue avec vous. Merci. Donc, bonsoir. Donc je vais vous emmener sur un territoire peut-être qui est lointain pour vous. Je ne sais pas d'ailleurs. Les territoires donc de l'album pour enfants. Tout d'abord, peut-être commencer par définir l'objet. Un album pour enfants, c'est du texte, des illustrations, un système global, à la fois un article manufacturé et un produit commercial, un document social, culturel et historique, et surtout une expérience pour un enfant. En tant que forme artistique, il dépend de l'interdépendance entre les images et les mots, de la présentation simultanée de deux pages qui se font face et du choc de la tourne de page. Du fait de ses propres modalités, ses possibilités sont sans limite. Voici donc défini l'album pour enfants, définition qui est déjà très ancienne, mais qui reste très présente, hein, puisqu'elle date de 1976. Si, sans doute, la fonction première d'un album pour enfants est pédagogique, en essayant, à l'instar des contes, de faire passer une morale, d'ouvrir l'enfant au monde extérieur ou de le guider dans sa connaissance de lui-même et de son environnement immédiat, il n'en demeure pas moins que ce médium est particulier, une création pleine de la littérature pour enfants, dit Isabelle Nierchevrel. Il constitue un système cohérent à trois dimensions, image, texte et support. C'est pourquoi j'essaierai de vous montrer à la fois les images par l'intermédiaire de ce diaporama et en même temps j'essaierai de vous les montrer de loin, puisque le support est quand même important. C'est d'abord l'interaction entre le texte et l'image, l'interpénétration entre les deux éléments narratifs, l'interdépendance, dont parle Barbara Bader, qui fait la particularité en fait de ce médium. Et là, je m'aperçois qu'il me manque une page. C'est fâcheux. Donc, je vais faire 100. Excellent. Donc, j'avais voulu commencer par prendre justement l'exemple d'un album. L'album, pour vous situer un petit peu le fonctionnement de cet album, donc l'album Madeleine de Peter Sis. Si l'on regarde déjà la couverture, on a déjà une première annonce de ce qui va s'y passer à l'intérieur. Vous avez un personnage en couleur. Donc là, j'ai la couverture française. Hein. L'album est carré. Hein. Sur cette couverture, donc, on a le personnage principal, Madeleine K, qui est donc en couleur. Et puis, autour d'elle, le pâté de maison dans lequel elle va évoluer. Hein, petit pâté de maison. Avec une représentation qui est, somme toute, assez simplifiée. Où là, on joue en fait sur une représentation plane, mais plane et en même temps qui a été complètement déformée. Si je regarde la quatrième de couverture, j'ai une autre représentation qui, cette fois-ci, est le même pâté de maison, mais avec une représentation, je dirais, un petit peu plus évoluée. Comme s'il allait s'opérer quelque chose entre finalement la première de couverture et la quatrième de couverture. Maintenant, je vous montre la couverture. De l'album, mais américaine. Cette couverture a une jaquette. Donc, si j'enlève la jaquette, évidemment, le personnage central se retrouve dominé un espace qui a été complètement, alors moi, ce que j'appelle pangéen, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a représenté sur ce même espace, sur ce territoire insulaire, pratiquement, je ne sais pas si vous arrivez à le voir d'ici d'où vous venez, mais pratiquement tous les lieux reconnaissables de la Terre. Alors, tous, une bonne partie de lieux reconnaissables de la Terre. Comme si, en survolant un tout petit peu cet espace, Madeleine K allait territorialiser, s'approprier finalement tous les espaces qu'elle va rencontrer à travers son voyage autour de son pâté de maison. Si on entre dans l'album, vous voyez que ça commence déjà, hein, on commence déjà un jeu entre l'image et surtout un jeu entre le support et son lecteur. On est projeté finalement dans une vue qui est donc un zoom, un effet zoom, sur le pâté de maison lui-même, donc on a la rotondité de la Terre, on s'approche sur la deuxième page, on arrive à distinguer New York, on s'approche et là du coup la rotondité se transforme en petit carré, en une suite de quadrillage, de tramage, on a toujours l'indication du petit point rouge, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, hein, qui est le personnage principal, et on arrive finalement à l'histoire. Et là commence déjà un jeu entre le texte et l'image. Vous voyez que le texte vient s'enlacer, ou alors il s'entoure, soit il est déplié finalement autour de ce pâté de maison. Et on nous dit comme ça, déjà directement, dans l'univers, sur une planète, sur un continent, dans un pays. On va reprendre donc l'effet effet zoom, dans un pays, dans une ville, dans un pâté de maison, devant une fenêtre, sous la pluie, une petite fille nommée Madlenka. La voici. Et on arrive directement, finalement, grâce à cet effet, finalement, zoom, à rentrer dans ce qui va être un petit peu la logique de l'album. Et du coup, la conclusion que je pourrais donner déjà à cette première entrée en matière, c'est que l'album pour enfants, ici, est un formidable espace d'échange qui permet à l'enfant lecteur de percevoir, de construire et ou de produire des perceptions nouvelles, des images arrangées. En tant qu'objet culturel, il devient un médium de passation de spatialité. C'est ce que j'aimerais développer ici à partir de quelques exemples. Et je voudrais montrer que ces albums sont avant tout des récits d'espace, qu'ils sont construits sur des figures stéréotypées, rassurantes, mais qu'ils transmettent également des prototypes de spatialité. J'aborderai donc ces trois points successivement. Mais continuons donc justement à feuilleter Madlenka. Quel est le récit que Peter Sis nous livre ? C'est celui d'une petite fille qui prend conscience qu'elle est en train de devenir grande. Le début d'histoire commence ainsi. Madlenka découvre que sa dent remue. Elle doit le dire à tout le monde. « Hello tout le monde, j'ai une dent qui bouge. » Elle bouge. Sautant de joie, elle fait le tour du pâté de maison et arrive chez son ami M. Gaston, le boulanger français. Je vous ai à peu près résumé l'histoire. Hein, c'est-à-dire qu'elle va annoncer à tout son pâté de maison, finalement, qu'elle a perdu une dent. La belle affaire. Mais évidemment, à chaque fois qu'elle va rencontrer une personne, cette personne se trouve être originaire d'un pays évidemment lointain. Le parcours de la petite fille autour de son pâté de maison est alors représenté soit par des vues cavalières, soit par des vues planes. Chaque visite à un des personnages du quartier est l'occasion de découvrir son pays d'origine à travers les évocations d'une carte mentale. Alors, on voit bien le trajet de la petite fille, on entre dans le magasin de M. Gaston, et puis on va voir donc un certain nombre de cartes mentales, ce que j'appelle des cartes mentales. La France de M. Gaston, par exemple. Ici, vous avez l'Inde de M. Singh. L'Italie de M. Chao. L'Allemagne de Mme Grimm. L'Amérique latine de M. Eduardo, je ne les ai pas toutes mises. Hein. L'Afrique de son ami Cléopâtre. La Chine de Mme Kam. En faisant le tour de son pâté de maison, Madlenka fait le tour du monde. Et la perception qu'elle a de ce monde est une perception fondamentalement culturelle. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais sur le dos du petit livre dans lequel se trouve Madlenka, il est marqué « Grimm ». C'est donc bien ici le parcours diégétique que l'auteur fait faire à son personnage qui permet d'inventer l'espace que l'on voit sur la couverture américaine. Vous vous rappelez, l'espace pangéen, on a toutes les représentations finalement des espaces mondiaux. Le récit, pour reprendre une expression de Michel de Certeau, produit de facto des géographies d'action. Je cite Michel de Certeau, « Les récits traversent et organisent des lieux, ils les sélectionnent et les relient ensemble. Ils en font des phrases et des itinéraires. Ce sont des parcours d'espace. Ces lieux sont liés entre eux de façon de plus ou moins serrée ou facile par des modalités qui précisent le type de passage conduisant de l'un à l'autre. Tout récit est un récit de voyage, une pratique de l'espace. » Enfin, je vous avais remis en fait cet espace pangéen là. Plus tard, de Gaëtan Doremus, plus petit album, est en cela un bon exemple. La première de couverture de l'album montre sous l'aspect d'une carte quadrillée une ville informe, illisible au premier abord. Nous avons bien l'impression qu'elle forme un nœud de communication, routier, ferroviaire et fluvial. On y devine des industries, des habitations, quelques commerces. La ville est encore endormie et au cœur de cet espace, Gustave, le héros, se réveille. Doremus nous conduit alors à travers les rues de cette ville, en suivant Gustave, qui se rend à l'école, porté par les rêves de ce qu'il fera ou ne fera pas plus tard. Au fur et à mesure des pages, la ville s'anime, le tramage s'effile et la ville devient peu à peu lisible. Les quartiers aux fonctions diverses s'enchaînent et progressivement, un plan de la ville se construit. Donc plan qu'on pourrait tout à fait construire à côté de l'album. La ville n'est plus seulement un nœud de communication, mais un espace à vivre, peuplé de gens qui s'activent, se croisent. Non seulement la ville de Gustave prend du sens, mais elle se construit sous les yeux du lecteur. Ce qui finalement pourrait passer pour chrysalide sur la couverture donne naissance à une ville polyfonctionnelle, structurée par un système complexe de rues, de places, de parcs et de ponts. Tiens, je retrouve la page 2. Je pourrais ainsi multiplier les exemples à l'envi. Dans les 155 albums qui forment mon corpus de recherche, j'ai pu recenser trois types de récits d'espace. soit le ou les personnages se rendent d'un point A à un point B de manière rectiligne, ce que j'appellerais la translation. Soit ils accomplissent une boucle en revenant au point A. Soit enfin, ils errent dans un espace donné, ce que j'appellerais divagation. Il ne semble pas exister de véritable fonction spatialisatrice associée à chaque type de parcours, même si les auteurs vont avoir tendance à utiliser les récits de type 1 et 2 pour faire subir à leurs personnages des transformations personnelles, et des récits de type 2 et 3 pour s'approprier un territoire. À certains égards, le lecteur adulte pourrait penser que les albums pour enfants véhiculent un bon nombre de clichés, d'archaïsmes dépassés. Prenons par exemple Caroline à la ferme, de Pierre Probst, paru en 1985 aux éditions Hachette. Si l'on regarde la première de couverture, tout semble pourtant réuni pour nous donner un archétype du monde rural, avec une campagne qui s'étend à perte de vue, des chemins de terre, des corbeaux qui planent, et un clocher, force tranquille, qui émerge au fond de l'image. Cependant, si l'on ouvre l'album, la perception de l'espace rural est un peu plus complexe que cela. Les albums de séries comme Martine, Juliette, Tchoupi, j'en passe, et les meilleurs, ont souvent pris le cadre de la ferme pour réaliser un bestiaire animalier. Chez Caroline, le sort du prétexte animalier est réglé dès la troisième double page. Voilà, c'est fait, on pourrait dire. Caroline et ses amis passent en revue une bonne fois pour toutes tous les animaux de la ferme, réglant d'un coup le stéréotype du bestiaire. Probst montre une exploitation agricole de son temps, c'est-à-dire de 1985, avec des espaces ouverts, mécanisés, de la polyculture céréalière surtout, mais également une culture fourragère, on a du poids ici, de la polyactivité, on a un centre équestre, et un intérieur ou image du passé, pour montrer le tableau noir et blanc des moissons d'antan, avec les vieux objets accrochés au mur. Donc ces éléments du passé sont mêlés avec ceux du présent. On a une télévision, un téléphone à touche, l'électricité. Le bestiaire des pages 5-6 n'est donc pas à voir comme un stéréotype, mais plutôt comme un archétype, une figure hors du temps, qui aide à se construire, qui assure et qui rassure. Elle donne l'image d'une ferme qui nourrit, qui reste en contact avec la nature, la plus composite. Je propose donc de voir dans cette figure archétypale ce qu'Yves Winquin appelle l'enchantement. Alors voilà comment il définit cette figure-là. L'enchantement se rapporterait à des lieux et des paysages créés dans l'intention d'induire chez ceux qui les fréquentent un état de permanence euphorique. En tant que médiateur de perception spatiale, de spatialité, les albums participent à l'état d'euphorie du lecteur en lui proposant des figures d'enchantement. Parmi celles-ci, nous en trouvons une particulièrement récurrente. Il s'agit de celle du locus amoenus, autrement dit le lieu symboliquement agréable. Il est classiquement composé depuis Homère par trois éléments, des arbres, de la pelouse verdoyante et de l'eau. Il est l'image symbolique du refuge contre les processus du temps et de la mortalité. Cette figure est par essence euphorique. Elle participe de l'enchantement. Nous la rencontrons dans un bon nombre d'albums, souvent agrémentés d'une maison isolée, de montagnes parfois, suggérant le lieu de vie idyllique. Claude Ponty, dans son œuvre, est familier de ce topos. Ainsi, dans Ma Vallée, celui que vous avez ici, le territoire des Twins, est un locus amoenus par excellence dans lequel les habitants vivent en communion parfaite avec la nature. Leur maison est située dans le creux des arbres, l'espace traversé par un cours d'eau sinueux et protégé des intrusions diverses par des montagnes. Chez Colin Thompson, c'est un topos qui revient également régulièrement et qui s'insère dans des paysages constitués de livres, constituant l'aboutissement d'une quête menée par les personnages ou jouant sur une opposition ville-campagne. Là, on le voit inséré sous des étagères, par exemple, d'un meuble de cuisine, un petit locus amoenus. Cette opposition est déjà très lisible dans un des premiers albums pour enfants, datant de 1919, Macao et Cosmage ou L'expérience du bonheur, d'Eddy Legrand. Avec une végétation luxuriante, le topos y prend les traits du paradis terrestre. David Evett, qui a beaucoup étudié cette figure dans la littérature européenne, arrive à cette conclusion, établit très tôt dans la littérature européenne, la douce conjugaison de l'herbe, de l'ombrage et de l'eau devient le motif standard pour rapprocher l'homme de la nature. Une presque indispensable introduction rhétorique pour la complainte amoureuse ou une réflexion sur l'opposition pastorale familière avec la campagne et la ville. J'ai essayé de montrer que dans Caroline à la ferme, Probst dépassait les topoi ou les stéréotypes et se faisait un temps le médiateur d'une perception d'un espace rural, en l'occurrence Beauceron, Probst avec une petite maison dans la Beauce, ancrés dans une temporalité. Par un phénomène de transfert, les albums pour enfants transmettent des perceptions de l'espace. Ce qui devient alors intéressant est de s'interroger sur les perceptions d'espace que les albums véhiculent et de savoir comment les perceptions ont évolué dans le temps. Évidemment, cette question nous emmènerait bien trop loin et j'ai décidé d'en dévoiler ici qu'un aperçu en abordant les perceptions de l'espace urbain et de l'espace domestique à travers seulement deux albums. À travers ces deux derniers exemples, je voudrais montrer que l'album peut également véhiculer des prototypes de spatialité. Des perceptions sans doute singulières, mais qui deviennent, l'espace d'un moment de lecture, un modèle novateur. Attention. En 1972, Annette Tison et Talus Taylor font paraître La maison de Barbapapa. Je pense qu'il y en a qui connaissent. Dans cet album, la famille protéiforme est chassée par les bulldozers du vieux pavillon de banlieue qu'elle habite. Relogée un temps dans une tour toute neuve de grands ensembles, tels qu'ils ont pu être dessinés et décidés par le plan courant de 1959, les Barbapapa ne semblent pas faits pour les appartements modernes. Ils décident de s'en aller loin de la ville, pollueuse, ingrate, pour rejoindre un petit locus amoenus. On voit encore le petit village avec le clocher, puis ce chemin sinueux dans la vallée avec encore un petit cours d'eau. La maison que se construisent les Barbapapa devient donc un symbole de communion avec la nature. Chaque pièce alvéolaire de la maison a été conçue également pour être à l'image de son occupant. Cette maison cocon reprend le prototype de la maison bulle, imaginée par l'architecte alternative, enfin du moins l'architecture alternative née en 1955 avec Antti Lovag, en réaction justement au conformisme de la construction immobilière des grands ensembles. La maison des Barbapapa s'inspire directement du modèle vosgien L'eau vive, voilà, bâti par Pascal Hausmann en 1967. Cette maison bulle, aux formes organiques et sculpturales, en béton projeté, est basée sur la modularité et la libre expression de l'individu. C'est donc à une autre façon d'habiter que renvoie cet album. Quant à Mamoko, 50 histoires dans la ville, d'Alexandra et Daniel Mitsilensky, paru en 2011, c'est une autre façon d'habiter la ville qu'il propose. L'album sans texte est composé de 7 doubles pages, représentant chacune un quartier de Mamoko, ville fictionnelle, je dirais plutôt vision utopique de Varsovie, d'où sont originaires les deux auteurs. Chaque quartier est polarisé sur un lieu particulier. Un groupe d'immeubles, un parc, une place, un petit port fluvial, des tours, un parc d'attractions, un carrefour. Dans ces quartiers, les personnages vivent, se rencontrent, se parlent, échangent. Le lecteur les suit tout au long des pages. Les auteurs donnent ici une représentation très contemporaine de la ville. Chaque quartier semble fonctionner comme un centre à lui tout seul, un pôle de vie. Mamoko, à l'image des grandes métropoles, est une ville polycentrique, dans laquelle chaque centre possède au moins une fonction dominante. Le quartier jaune est un quartier résidentiel périphérique, le quartier bleu, vous avez sous les yeux un quartier historique de centre-ville, le quartier mauve, un nœud de communication, etc., etc., etc. Dans la totalité des planches, ce qui fait urbanité peut se résumer à un couple coprésent, verticalité, densité. Verticalité du bâti, de cette ville qui s'étale au fur et à mesure des planches, émerge des tours dans lesquelles les appartements et les bureaux s'empilent. Densité du bâti, le graphisme déployé remplit les pages et de forme emboîtée, de cases ajourées et empilées. Les planches, toujours à fond perdu, suggèrent un instant pris dans la multitude, sans cadrage apparent. Densité de la population qui fourmille un peu partout. Densité du réseau de communication, se croise à divers endroits un réseau routier, un réseau piétonnier, un réseau ferroviaire, un réseau fluvial, un réseau aérien et un réseau souterrain. Cette intermodalité donne l'idée que la ville contemporaine est ultramobile. Là encore, la représentation de l'espace dans les albums échappe aux stéréotypes. Elle devient une expression des perceptions des auteurs-artistes et prend le chemin d'une diffusion large par le biais de l'édition. Respectant les règles de la communication, l'album constituerait un message adressé à des récepteurs enfants par un émetteur auteur. Si je suis les règles d'une communication sociale énoncées par Yves Winquin, l'album, en tant que médium, doit permettre de donner, de recevoir, mais aussi de rendre. Dans les années 20, Walter Benjamin, s'exprimant à propos d'un travail sur la beauté des images colorées dans les livres pour enfants, disait « Les livres pour enfants ne servent pas à introduire leurs lecteurs directement dans le monde des objets, des animaux et des hommes dans ce qu'on appelle la vie. Bien plus tôt, s'il existe quelque chose tel que l'anamnèse platonicienne, elle a lieu chez les enfants dont le livre d'images concrètes est le paradis. En d'autres termes, pour lui, les albums lus pendant l'enfance fonctionneraient comme un bagage de connaissances embryonnaires dans lequel l'enfant puiserait tout au long de sa vie. L'album transfert donne à penser des perceptions spatiales. L'enfant lecteur les reçoit et en retour construirait ses propres perceptions. La lecture de l'album est susceptible de participer au développement de l'enfant, de modifier ses comportements et ses représentations spatiaux. Le moment où les adultes, et à plus forte raison les enseignants, lisent des histoires, est un espace transitionnel culturel. C'est à ce moment que l'enfant reprend, modifie la culture de l'adulte en l'interprétant d'une façon qui lui est propre. Cette lecture pénétrante pour Walter Benjamin, performative, dirait Yves Winquin, que j'appellerais moi transactionnelle, dans la mesure où elle serait à même de modifier les perceptions spatiales d'un enfant lecteur, est un angle de mes recherches que j'ai peu développé ici, mais qui constitue le corps de la réception. Sans plus en dire, je conclurai sur ces quelques lignes rédigées en 1926, encore une fois par Walter Benjamin, et que je laisse à votre réflexion. Ce ne sont pas les choses qui surgissent des pages aux yeux de l'enfant feuilletant les illustrations, c'est lui-même qui, par sa contemplation, va pénétrer en elle, comme une nuée se rassasiant de l'éclat coloré du monde des images. Je vous remercie. Savent que je ne suis pas très doué pour faire des PowerPoint, donc celui que je vais vous présenter est moins joli que celui que vous venez de voir. Donc effectivement, moi je vais vous présenter plutôt donc, un aspect de mes travaux de recherche qui porte particulièrement sur les jeux vidéo. Alors au départ, quand on m'avait proposé de participer à ce Café Géo, j'avais été un peu sceptique sur un certain nombre de termes, et je continue à me demander si les jeux vidéo sont bien une géographie, enfin permettent bien de réfléchir sur une géographie au pays des merveilles. Hein. Mais bon, on va essayer d'y réfléchir ensemble. Alors, avant de commencer, c'est vrai qu'on pourrait d'abord s'étonner de ce paradoxe de parler de jeux vidéo juste après des albums pour enfants. Alors, quand on regarde, par exemple, quand on fait un petit travail statistique assez rapide des sorties de jeux vidéo régulières, donc j'ai vérifié pour octobre 2012, par exemple, à partir des sites de référencement, le tiers des jeux qui sont sortis en octobre 2012 sur PC sont des jeux de guerre. Voilà. Et c'est sans compter les jeux où on se tire dessus, mais où ce n'est pas forcément une guerre officielle entre des États. Si vous prenez les jeux sur PlayStation 3, donc une des consoles de jeux les plus vendues, on est autour de 20%. Donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup, 30%, 20%, mais en même temps, ça veut dire que tout le reste de la production ne relève pas strictement des jeux de guerre. Alors il faut quand même tout de suite dire, et c'est pour ça que j'ai mis toutes ces captures d'écran en première page, que malgré tout, les plus grosses ventes de jeux vidéo sont des jeux particulièrement guerriers, militaires, alors que ce soit Battlefield 3, Medal of Honor ou Assassin's Creed, etc. Donc malgré tout, cette focalisation sur les jeux de guerre, elle est bien réelle dans la production. Donc paradoxe, pourquoi parler de géographie au pays des merveilles ? Alors, on peut déjà tout de suite apporter un premier élément de réponse, c'est qu'avec la diversification des machines, mais aussi la diversification des publics de jeux vidéo, les productions se sont beaucoup diversifiées, ce qui fait que vous avez maintenant à la fois des jeux de danse, des jeux d'entraînement cérébral, ou alors des jeux un peu plus incongrus comme Plateforme Pétrolière Simulator 2013. Bon, à se demander si c'est aussi nocif de jouer à ça que de jouer à un jeu de guerre, hein, moi je pense qu'il faut poser la question. Surtout qu'apparemment le jeu n'est pas très bon. Voilà, donc on a une vraie diversification qui nous permet justement de regarder ce qui se passe à côté de ces jeux de guerre et ce qui nous permet. Pour une fois, enfin, l'occasion n'est pas assez, est suffisamment rare pour être notée, pour une fois, de parler de jeux vidéo sans parler de violence et sans parler de coups de folie qu'entraîne parfois l'usage de certains jeux très violents. Donc on va parler d'autre chose. On ne va pas parler de violence, encore que. Alors, effectivement, les jeux vidéo permettent de rentrer dans des mondes merveilleux. Alors merveilleux, pas forcément au sens de jeux qui soient beaux, qui soient jolis, merveilleux dans le sens où ce sont des produits culturels qui nous permettent d'entrer dans des mondes souvent oniriques, souvent magiques, ou en tout cas des jeux qui, des produits culturels qui permettent de stimuler l'imagination. Et on peut tout de suite affirmer que les jeux vidéo sont bien des représentations spatiales, c'est-à-dire sont bien des produits culturels qui mettent en scène des espaces, qu'ils soient plus ou moins réalistes, plus ou moins stéréotypés. Ces représentations spatiales, elles peuvent être graphiques, comme dans le cas ici de ce magnifique jeu. Elles peuvent être aussi textuelles, des représentations textuelles, notamment, alors pour les plus vieux d'entre vous qui les connaissent peut-être, les premières générations de jeux vidéo sont des jeux où en fait il n'y a pas d'image, où tout est écrit, il faut taper les commandes, etc. Mais là, on a bien une représentation spatiale malgré tout. Vous êtes près d'une vous êtes pas très loin d'une très grande cave où beaucoup ont trouvé la richesse et la gloire, d'autres ne sont jamais revenus. À côté de vous, il y a une forêt, il y a une route. Voilà, on est dans de la représentation de l'espace qui ne passe pas nécessairement par l'image, mais qui peut aussi passer par du texte. Et de plus en plus, d'ailleurs, les jeux vidéo passent par les deux, à la fois l'image et le texte, comme dans le cas des albums pour enfants. Alors, et d'ailleurs, comme dans le cas des albums pour l'enfant, on peut dire que ces représentations spatiales, elles sont doubles dans le cas des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les représentations spatiales proposées par les concepteurs de jeux, c'est-à-dire la manière dont les concepteurs de jeux représentent les espaces dans les jeux vidéo. Mais il y a aussi un autre filtre de représentation spatiale qui est bien sûr celui des joueurs, c'est-à-dire la manière dont les joueurs eux-mêmes s'approprient, digèrent, se conforment ou au contraire réfutent les représentations spatiales proposées par les jeux vidéo. Donc d'une certaine manière, pour paraphraser le dictionnaire de géographie de Jacques Lévy et Michel Lussault, on peut dire que les jeux vidéo sont des représentations au carré, élevées au carré, avec à la fois les représentations du concepteur et les représentations du joueur. Alors, en un quart d'heure, je ne vais pas ici vous présenter un peu les fondements théoriques ou épistémologiques d'un travail de recherche donc, que je ne mène pas seul, hein, que je mène avec un autre géographe, donc Samuel Ruffat, que Ludovic a cité, et puis d'autres, hein, chercheurs, des sociologues, des philosophes, des anthropologues. L'idée ici, c'est plutôt de vous montrer comment, à partir de cette réflexion sur cette géographie au pays des merveilles, sur ces pays merveilleux, sur ces représentations spatiales, comment on peut montrer les enjeux de ces représentations spatiales, et en particulier montrer que les productions vidéoludiques, mais aussi les pratiques vidéoludiques, sont ancrées territorialement. Ah, là, le géographe est très intéressé, il y a du territoire. Alors, pour ça, j'ai procédé en trois points. Premier point, assez rapidement, la question qui se pose, c'est justement comment qualifier ces espaces vidéoludiques, ces espaces mis en scène dans les jeux vidéo. Alors, le premier élément qu'on peut tout de suite noter, c'est qu'il n'y a pas de jeux vidéo sans espace. Et en fait, la plupart des chercheurs en jeux vidéo, quelle que soit d'ailleurs leur formation disciplinaire, leur approche disciplinaire, se retrouvent sur ce point, à tel point qu'on a pu parler parfois de tournant spatial dans la recherche sur les jeux vidéo. Alors c'est parfois très rudimentaire, hein, une route d'automobile simplement symbolisée comme dans Night Driver par des petites ampoules, ou alors la figure du labyrinthe, ou la figure du champ de bataille comme dans World of Warcraft, ou encore carrément un monde, hein, un monde ou une galaxie que le joueur a à sa portée. Donc, pas de jeu vidéo sans espace, sachant que l'espace est le plus souvent au cœur des mécanismes vidéoludiques. C'est-à-dire que l'espace est souvent l'enjeu de la partie de jeu vidéo. Cet espace, il faut soit l'explorer, en particulier dans les jeux de parcours, dans les jeux d'aventure, soit le conquérir dans les jeux de stratégie, ou même dans les jeux de guerre, où il faut occuper le terrain, prendre position sur les sites stratégiques, ou alors l'aménager, comme dans les jeux de construction, les jeux de gestion de ville ou les jeux de gestion de monde. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que là encore, comme dans le cas des albums de jeunesse, décidément ce Café Géo est très bien fait, toute une partie de la recherche scientifique sur les jeux vidéo découle justement des travaux de littérature et analyse l'espace comme un récit. Alors moi, je ne m'inscris pas du tout dans ce courant-là pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir éventuellement. Ce qui m'intéressait, c'est plutôt d'essayer de classifier, de catégoriser ces différents types d'espaces, d'essayer de mettre en avant des archétypes, justement. Alors, de fait, en général, hein, donc ce n'est pas une règle absolue, il y a toujours des exceptions, mais on peut considérer qu'il y a trois types d'espaces dans les jeux vidéo. Il y a ce qu'on pourrait appeler, dans un premier temps, les espaces géoréférencés. L'expression est un peu maladroite, pour désigner en fait des espaces vidéoludiques qui font directement des références à des espaces réels. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'articulation justement entre l'espace numérique, numérisé, et l'espace réel. Alors ces espaces géoréférencés, ils sont à la fois géographiquement et historiquement référencés. C'est par exemple le cas de Venise à la Renaissance, qui est mise en scène directement dans le deuxième opus d'Assassin's Creed, là vous reconnaissez pour ceux qui sont déjà allés, la place Saint-Marc et le Campanile. C'est le cas également de New York, mis en scène dans le quatrième épisode de Grand Theft Auto. Alors, la ville qui est mise en scène dans ce jeu, qui est un jeu à la fois un jeu de voiture, un jeu d'aventure, ne s'appelle pas New York. mais dans sa toponymie, dans sa topographie, dans la disposition des lieux, c'est New York. Et il y a des images comme ici qui ressemblent directement à Times Square. Alors le cinquième épisode qui va sortir ce printemps, visiblement, semble assez inspiré de Los Angeles, mais il faut attendre peut-être de voir un peu plus. Donc premier type d'espace, des espaces géoréférencés dans le sens où ils font directement référence donc, à un espace réel qu'on peut localiser, dont on peut donner les coordonnées d'une certaine manière. Deuxième type d'espace, ce que j'appellerais les espaces modèles, dans le sens où ce sont des espaces vidéoludiques, des espaces mis en scène qui ne font pas référence directement à une ville ou à un territoire particulier, mais plutôt à un type de ville ou un type de territoire. C'est le cas notamment la célébrissime série de jeux de gestion de ville, SimCity, qui fait directement référence non pas à une ville américaine en particulier, hein, que ce soit Los Angeles ou New York ou Chicago, mais plutôt à une certaine représentation que l'on se fait de la ville américaine. Vous voyez, la nuance est un peu différente. Une certaine représentation qui se caractérise par l'alternance entre des zones très horizontales de basse densité et puis au contraire des zones de forte densité marquées par la verticalité, un quadrillage, une trame urbaine très, très précise, comme on voit sur la capture d'écran ici. Autre exemple d'espace modèle, c'est les parcs d'attractions, par exemple dans Roller Coaster. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait prendre, hein, les jeux de gestion d'hôpital ou de tours de bureaux, etc. Donc là, on est plutôt sur des types d'espaces plus que des territoires ou des villes précisément référencées. Et enfin, la dernière catégorie qui est un peu, je l'avoue, un peu fourre-tout, ce sont ce que j'appellerais les espaces imaginaires, c'est-à-dire en gros des espaces qui justement se détachent le plus possible des espaces réels pour proposer, pour le coup on est en plein onirisme ici ou en plein merveilleux, des espaces qui soient atypiques, qui certes peuvent s'inspirer éventuellement de lieux réels. Elder Scrolls 5 par exemple fait plutôt référence à des paysages du nord de l'Europe, mais Myst, la série des jeux de Myst s'en détache complètement. Voilà, donc là on est plutôt sur des espaces plus imaginaires qui font beaucoup plus appel à l'imagination. Alors on a ainsi une grande diversité des espaces représentés. Bien entendu, ces espaces qui sont représentés, comme pour tout produit culturel, comme pour les albums de jeunesse, mais comme pour le cinéma, sont des espaces mis en scène, des univers mis en scène, mais dont la mise en scène, dont les codes qui sont ici présentés, sont largement conditionnés par les représentations que les concepteurs eux-mêmes se font des espaces qu'ils mettent en scène. Alors, des représentations qui sont conscientes ou inconscientes. Alors, ce qui m'amène à mon deuxième point, je voudrais vous montrer un ou deux exemples rapidement, de la manière dont on peut analyser justement les représentations spatiales dans les jeux vidéo, des représentations qui relèvent parfois de choix conscients, qui relèvent parfois de véritables discours idéologiques. Donc, est-ce qu'on doit parler de préjugés, de clichés ou d'idéologie? C'est un débat un peu compliqué, peut-être qu'on y reviendra. Alors, un exemple de représentation spatiale qu'on peut analyser, ce sont les représentations spatiales proposées dans la série de jeux Tropico, je ne sais pas si certains de vous connaissent. Alors, la série de jeux Tropico, c'est une série de jeux qui rassemble tous les clichés de la République bananière. C'est un jeu dans lequel le joueur est mis dans la peau d'un dictateur, hein, il est présenté comme dictateur, alors ses grosses lunettes et sa barbe vous feront peut-être penser à quelqu'un, hein, sur la couverture du numéro 4. Dans la peau d'un dictateur qui doit gouverner une île, une petite île tropicale, avec une végétation, un climat qui relève bien du cliché des îles tropicales. Et en fait, vous faites un peu ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez développer le tourisme balnéaire, vous pouvez. Si vous voulez trafiquer de la drogue, vous pouvez. Si vous voulez faire appel à des paramilitaires pour faire régner l'ordre, vous pouvez. C'est un jeu qui ouvertement se présente comme un jeu relevant beaucoup de l'humour noir, hein, du cynisme, et qui fait apparaître ici tous les clichés que l'on peut avoir sur justement ces républiques bananières. Donc la question qui se pose ici, c'est dans quelle mesure on est dans du cliché, dans de l'humour noir, ou dans quelle mesure on est dans de l'idéologie. Alors certains chercheurs parlent ici véritablement de discours idéologiques, de discours néocolonialistes même. Il me semble qu'il faut être un peu réservé sur ce type d'approche tant qu'on n'a pas discuté avec les concepteurs de jeux vidéo. Voilà, ce qui est toujours un problème. Donc tant qu'on n'a pas accédé au terrain, hein, tant qu'on n'a pas fait des entretiens semi-directifs, c'est parfois assez difficile de faire la part des choses entre ce qui relève du cliché et ce qui relève de l'idéologie. Autre exemple, c'est City Life. Alors, je n'ai pas pris volontairement l'exemple de SimCity qui est développé justement dans l'article qui est disponible sur CyberGéo. City Life, il présente un cas un peu particulier. Alors, City Life, c'est un jeu de gestion de ville, très proche de SimCity, à la fois graphiquement et à la fois dans les mécanismes du jeu. Donc, c'est-à-dire que vous incarnez un maire qui a un budget et qui doit développer une ville. La différence de City Life par rapport à SimCity, c'est que les populations sont réparties en groupes sociaux. C'est assez amusant d'ailleurs. Vous avez la catégorie des élites qui sont en blanc, la catégorie des cols blancs, des cols bleus, des bobos, et puis je ne sais plus comment ils sont appelés, les nécessiteux, enfin je ne sais plus exactement le terme, mais c'est-à-dire les gens qui habitent, vous voyez, dans ces immeubles qui sont dégradés, donc les gens qui apparaissent en noir, hein, vous voyez, habitants ici, voilà, en noir, voilà. Donc vous avez comme ça un certain nombre de catégories. Le principe du jeu, c'est que si vous mettez à proximité des populations qui appartiennent à des groupes sociaux différents, vous allez avoir des querelles de voisinage. Et que si ces querelles de voisinage perdurent, ça va déboucher sur des conflits, sur des émeutes, sur des violences urbaines, parfois assez radicales. Pour gagner, dans City Life, il faut faire de la ségrégation spatiale. C'est-à-dire qu'il faut à la fois assurer la coexistence de groupes sociaux différents pour faire tourner les usines, pour faire tourner les commerces, et en même temps garantir le plus possible la séparation des groupes sociaux. C'est pourquoi, dans cette ville qui fonctionne bien, vous avez tout un quartier d'élite qui se trouve bien au nord, près du lac, et puis au contraire, les nécessiteux, vous voyez, qui apparaissent en gris ou qui sont ici mélangés avec les beaux. Il faut faire la ségrégation spatiale. Vous avez ici des mécanismes de jeu qui sont très différents de SimCity. Et ce qui est intéressant dans le cas de City Life, c'est que c'est un jeu qui est développé par des Européens et pas par des Américains, justement, contrairement à SimCity. Il y a là, visiblement, dans City Life, la volonté de proposer un autre modèle d'urbanité que celui de SimCity. Alors, un modèle d'urbanité, non pas au sens où c'est ce qu'il faudrait faire dans la vraie vie, mais au sens où on propose ici un jeu qui est régi par des mécanismes différents que ceux qui sont proposés dans SimCity. Et il me semble que ce n'est pas anodin qu'on ait ici affaire à des concepteurs de jeux qui soient de cultures urbaines très différentes. D'un côté, une culture urbaine plutôt américaine, et de l'autre, une culture urbaine plutôt européenne. Même si on pourrait s'étonner que la ségrégation spatiale soit plus présente dans la culture urbaine européenne, encore que. Cette notion de mixité sociale, en fait, c'est à la fois de la ségrégation spatiale et de la mixité sociale, c'est ça qui est assez ambigu, vous ne l'avez pas du tout dans SimCity. Dans SimCity, vous n'avez pas du tout ce découpage par groupes sociaux. Ce qui m'amène donc à mon dernier point, je suis dans les temps, à peu près, qui est justement les territoires de la production vidéoludique. On voit bien qu'il y a un sens, qu'il y a un intérêt à articuler les représentations spatiales qui sont proposées dans les jeux vidéo et l'ancrage territorial de la production vidéoludique. Autrement dit, essayer de comprendre comment la manière dont les jeux vidéo sont produits et où ils sont produits permet de documenter la manière dont les espaces sont représentés dans les jeux vidéo. Alors, donc troisième point, c'est ces territoires du jeu vidéo, donc ce sont à la fois les territoires des concepteurs et les territoires des joueurs. Alors, c'est un peu difficile de faire la cartographie mondiale justement des joueurs de jeux vidéo ou de l'industrie du jeu vidéo. Alors, pour faire la cartographie mondiale des joueurs, il faudrait pour ça avoir des statistiques précises qui sont en réalité très fragmentaires. C'est-à-dire qu'en gros, on a une vague connaissance sur les pays industrialisés, les pays occidentaux, là où la pratique du jeu vidéo est historiquement très présente, mais on ne sait pas grand-chose sur les autres pays. Néanmoins, on peut quand même considérer que la pratique du jeu vidéo est une pratique mondialisée, dans le sens où vous avez à la fois des pôles, des centralités, et puis des angles morts, des espaces marginalisés en termes de pratique du jeu. Alors j'ai quelques données chiffrées qui donnent quand même une idée des rapports de force, hein, en quelque sorte. Alors ce sont bien évidemment des estimations. Aux États-Unis, en 2011, la population de joueurs de jeux vidéo était estimée à 145 millions de joueurs, par exemple. Au Royaume-Uni, ils étaient estimés plutôt à 30 millions. Alors en France, selon les données statistiques, selon les enquêtes, on est autour de 24-25 millions. Ça varie beaucoup, hein, les chiffres des industriels donnent des nombres de joueurs beaucoup plus importants, hein, évidemment, vous en doutez. Donc 24 millions, si on prend la même enquête qu'une enquête réalisée par un cabinet international, bon, il vaut mieux garder la même enquête pour avoir des chiffres comparables, on est plutôt à 24 millions. Mais à côté de ça, vous avez des marchés émergents. Le Brésil, par exemple, qui compte 35 millions de joueurs, estimation, hein, toujours. Donc beaucoup plus qu'en France, alors que la pratique du jeu vidéo est plus ancienne en France. En Russie, 38 millions de joueurs, pour une population totale estimée à peu près 140 millions, ce qui donne aussi une idée de la marge de progression du nombre de joueurs en Russie. Donc vous avez ainsi des pôles anciens, des pôles historiques de la pratique, et puis des marchés émergents. Cette cartographie du jeu vidéo, finalement, elle est plus facile à faire pour l'industrie du jeu vidéo. Là encore, on a affaire à une industrie qui est très mondialisée, avec des pôles, des noyaux durs de la production de jeux vidéo, mais aussi des pays émergents, comme l'Iran, le Vietnam, ou même l'Espagne. Un exemple de mondialisation de cette industrie du jeu vidéo, c'est Ubisoft. Ubisoft, c'est une des premières industries, une des premières sociétés pardon, mondiales de jeux vidéo, société française, dont le siège social est toujours en banlieue parisienne, à Montreuil-sous-Bois. Ubisoft est une société qui, donc, historiquement française, s'est énormément internationalisée, un peu à l'image de l'industrie du jeu vidéo en général. C'est pour ça que l'exemple d'Ubisoft est assez intéressant. Sur le site internet d'Ubisoft, vous trouvez ainsi une cartographie des différents sites liés à la société Ubisoft. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'échelle européenne, vous avez en gros des centres donc business, c'est-à-dire des lieux, des filiales de commercialisation ou d'édition dans à peu près tous les grands pays européens, c'est-à-dire là, à peu près dans tous les pays où il y a du marché. Hein, il y a du marché. Donc il y a la volonté dans cette internationalisation de se rapprocher du marché du jeu vidéo, de se rapprocher des joueurs. Donc vous avez ainsi des filiales en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Pologne, en Danemark. Et en même temps, une internationalisation des sites de production, mais vous voyez que les sites de production s'internationalisent, mais de manière différente. Bucarest, qui est à la fois production et édition, donc Kiev, Barcelone également. C'est encore plus flagrant, à l'échelle mondiale, où vous retrouvez cette internationalisation des sites de production dans beaucoup de pays émergents, dans des pays où la main-d'œuvre est bien sûr bien meilleur marché qu'en France. Casablanca, Abu Dhabi, Singapour, Shanghai, et puis il y a Montréal. Alors Montréal, c'est un cas particulier. Montréal, c'est la capitale mondiale du jeu vidéo. Capitale du mondial du jeu vidéo, puisque c'est considéré comme la ville où sont présents le plus grand nombre d'entreprises de jeux vidéo, avec des grands éditeurs hein, comme Ubisoft, Cyanide, Gameloft, Warner Brothers, etc., mais aussi des boîtes beaucoup plus petites, hein, plus de type PME, PMI. Donc, vous avez à la fois à l'échelle mondiale une polarisation de l'industrie du jeu vidéo à Montréal et à l'échelle locale, à l'échelle de Montréal, une polarisation également dans les quartiers centraux de Montréal, c'est-à-dire dans les quartiers qui ont justement fait l'objet de la rénovation, de politiques de rénovation urbaine assez vigoureuses à partir des années 80 et 90, avec la construction de la restructuration du CBD de Montréal, en quelque sorte, et la construction de nouveaux immobiliers de bureaux. Alors, Pourquoi cette concentration de sociétés de jeux vidéo à Montréal? Tout simplement parce que, de manière générale, hein, ce n'est pas propre aux jeux vidéo, mais en général sur le multimédia et la haute technologie, la municipalité de Montréal a mis en place un système de crédit d'impôt très efficace qui a convaincu beaucoup de sociétés de multimédia, et en particulier de jeux vidéo, à venir s'installer dans Montréal. Donc un système de crédit d'impôt qui s'est accompagné de projets immobiliers comme la Cité du Multimédia, qui est un vaste projet alors, dont on ne voit pas ici à l'échelle, mais qui concerne en fait le faubourg des Récollets, qui se trouve juste ici, en position péricentrale du quartier enceint. Donc le faubourg des Récollets, qui est un faubourg qui a été complètement, une ancienne friche industrielle, complètement rénovée pour construire de nouveaux immobiliers du bureau. Donc là, ce qui est intéressant, c'est la manière dont la production vidéoludique a un impact sur les territoires urbains. Un impact d'ailleurs qui est jugé de manière très ambiguë. C'est-à-dire que d'un côté, ça a permis d'attirer beaucoup de sociétés, beaucoup d'emplois dans le domaine du multimédia, de la haute technologie. Et d'un autre côté, il y a eu des débats très vite, des débats économiques, hein, de politique économique, en 2011, au cours de la réflexion sur le renouvellement du crédit d'impôt. Des débats assez, houleux, c'est peut-être un peu fort, mais bon, des débats dans les médias sur la pertinence justement de ce système de crédit d'impôt. Parce que l'un des principaux reproches qui a été fait, c'est qu'en réalité, ce système de crédit d'impôt n'a pas créé des emplois, mais a plutôt permis le déplacement d'emplois de boîtes qui se trouvaient ailleurs, y compris ailleurs à Montréal. Ce qui fait que beaucoup de gens considèrent que si on supprime le crédit d'impôt, là, c'est quasiment 60% des entreprises qui quitteraient Montréal dans le domaine du multimédia ou de la haute technologie. Et puis l'une des conséquences négatives qui est souvent évoquée, c'est l'explosion des prix immobiliers dans les quartiers, dans ces quartiers de Montréal. Voilà. Il faut savoir qu'en France aussi, il y a ce système de crédit d'impôt hein, qui a été mis en place en 2008, qui a été renégocié l'année dernière, et l'Association française des jeux vidéo, enfin les lobbies industriels, sont montés en créneau en disant « si vous supprimez le crédit d'impôt, nous on va à Montréal ». Donc vous voyez, ça fait aussi l'objet de négociations entre pouvoirs publics et industriels qui doivent être compris dans un contexte international, à une échelle internationale. Alors, j'avais d'autres exemples, mais je crois que je commence à être un peu en retard. L'autre exemple de cette articulation entre espace vidéoludique et ancrage territorial, bah, c'est la manière dont les jeux vidéo sont utilisés comme outils de promotion territoriale. Halo 4, qui est sorti la semaine dernière, a fait l'objet d'une vaste campagne de promotion au Liechtenstein, le temps d'une nuit, a été transformé en champ de bataille pour le lancement de Halo 4. Donc la société éditeur de Halo 4 avait passé un partenariat avec les services de promotion touristique du Liechtenstein pour transformer le château de Balzer que vous avez là en quartier général, une ancienne mine en lieu de bataille, etc. Donc voilà, c'était l'occasion de faire la promotion à la fois du jeu et du Liechtenstein. Dernier exemple, c'est l'Iran. Dans le cas de l'Iran, on peut se demander si le jeu vidéo n'est pas en passe de devenir un véritable outil, une arme, même, on peut dire, culturelle et politique. Ce qui est intéressant, c'est que l'Iran est devenu un des pays émergents, il faut mettre dans le contexte, bien sûr, en matière de développement de jeux vidéo. Depuis 2007, je crois, il existe, enfin 2007 ou 2008, il existe en Iran une fondation nationale de soutien au développement de jeux vidéo, dont le but est de développer des jeux vidéo qui soient explicitement iraniens. Alors, ça veut dire quoi explicitement iranien ? Ça veut dire des jeux vidéo dont les contenus fassent directement référence à des codes culturels ou historiques qui soient compréhensibles pour les joueurs iraniens. Le marché du jeu vidéo est estimé à environ 24 millions de joueurs. Alors là encore, c'est une estimation, mais c'est quasiment autant qu'en France. Alors, des codes culturels, par exemple, des références à des héros mythologiques de l'histoire perse, comme Garchas, par exemple, ou Mirmana, que nous ne connaissons pas, à moins que certains d'entre vous soient spécialistes de l'histoire perse, mais qui, par contre, sont toutes directement compréhensibles par les joueurs iraniens. Donc là, il y a deux enjeux. Il y a un premier enjeu qui est un enjeu économique, c'est de vendre des jeux à des gens qui sont susceptibles de comprendre ces jeux-là, et donc leur vendre des jeux pour faire concurrence à des jeux qui viennent de l'extérieur, notamment des jeux américains ou des jeux japonais. Donc il y a une volonté de structurer un tissu économique et un secteur économique iranien. Et puis il y a un autre enjeu qui est un enjeu beaucoup plus culturel ou politique, qui est de concurrencer justement les codes culturels ou les représentations spatiales qui sont véhiculés par les différentes productions vidéoludiques qui peuvent être vendues en Iran. Si bien que la fondation, donc cette fondation nationale, promeut des jeux à la fois qui fassent référence à l'histoire perse, mais aussi des jeux de course qui se passent à Téhéran, par exemple, vous voyez, pour concurrencer justement les grandes séries de jeux vidéo automobiles américains ou japonais. Alors ça peut aller parfois beaucoup plus loin, hein, au-delà du code culturel. Il y a un jeu qui est en préparation, par exemple, en gros c'est Vie et mort de Salman Rushdie. Voilà. Le titre exact du jeu, c'est The Stressful Life of Salman Rushdie and Implementation of His Verdict. En gros, c'est un jeu qui est censé expliquer aux Iraniens pourquoi Salman Rushdie est poursuivi, fait l'objet d'une fatwa. Bon, c'est un jeu qui est encore en développement, peut-être qu'il ne sortira pas, on ne sait pas, mais on voit bien ici que la limite entre l'arme culturelle et l'arme politique est assez floue. Ce qui est assez intéressant, c'est que, en même temps que cette fondation nationale promeut ce type de jeu, elle affirme ne pas vouloir justement proposer des jeux qui fassent référence à des contextes politiques contemporains pour éviter justement des jeux de guerre qui mettent en scène des forces terroristes, des forces américaines. Donc il y a à la fois d'un côté la volonté de ne pas faire des jeux politiques et en même temps des dérives parfois comme ce jeu sur Salman Rushdie qui pose problème. Alors en conclusion, je terminerai sur trois remarques très rapides. La première, c'est que on voit bien que la notion de la spatialité en fait des jeux vidéo, elle est multiple, puisqu'il y a à la fois l'espace dans le jeu, l'espace tel qu'il est représenté, hein, les représentations spatiales, mais il y a aussi l'espace autour du jeu, c'est-à-dire tous ces territoires qui sont produits ou qui sont modifiés, hein, par l'industrie du jeu vidéo, comme à Montréal, comme en Iran. Et puis il y a l'espace du joueur lui-même, j'en ai pas du tout parlé, mais le lieu du jeu, le lieu dans lequel on joue, a aussi un impact dans la manière dont on s'approprie les représentations spatiales et dont on s'approprie plus généralement les jeux. Et puis dernière remarque, il y a peut-être un risque que font d'ailleurs parfois certains chercheurs sur les jeux vidéo, c'est de projeter des intentionnalités. Comme je disais tout à l'heure, la limite entre préjugés et idéologie est peut-être un peu floue. Il faut bien se garder de projeter des intentionnalités à la fois du côté des concepteurs et du côté des joueurs, c'est-à-dire ne pas supposer ou ne pas préjuger de ce que les concepteurs pensent d'un jeu ou d'un espace, dans la manière dont ils le mettent en scène, et ne pas non plus préjuger de la manière dont les joueurs eux-mêmes s'approprient ces représentations spatiales. C'est pas parce qu'un jeu est politiquement incorrect que tous les joueurs seront capables de décoder l'humour noir de Tropico. Inversement, c'est pas parce qu'un jeu met en scène un discours particulièrement raciste ou particulièrement idéologique que les joueurs adhéreront à cette idéologie. Merci à vous deux pour vos exposés qui, j'en suis sûr, auront suscité auprès de vous maintes questions et interrogations. Donc voilà, s'il y a des personnes qui ont des premières questions à poser, n'hésitez pas à lever la main et on va prendre les questions. j'en ai plein. Mais alors, par exemple, dans ce que vous avez montré dans vos diaporamas, il y a une figure qui est récurrente et dont vous avez finalement assez peu parlé, et qu'on retrouve notamment dans une littérature orientée jeunesse, mais pas seulement, qui est celle de la bande dessinée, c'est la question du plan et de la carte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement la façon dont les représentations cartographiques peuvent façonner l'évolution dans les univers qui sont mis en place à la fois dans les jeux vidéo et la littérature jeunesse? C'est vrai que j'en ai peu parlé, mais elle est quand même très présente. Je pense que vous l'avez constaté déjà en ligne dans Madeleine K, puisqu'en fait tout l'album joue sur justement ce jeu avec la carte et la représentation cartographique, en jouant sur les vues cavalières, la vue plane, etc. Et donc il y a toujours un cheminement. En fait, elle sert essentiellement à se structurer dans l'espace. Par exemple, il n'y a pas que la carte, il y a l'articulation avec le paysage, avec les différents... Ouais, à chaque fois, c'est très imbriqué. Voilà. Il y a vraiment une complicité entre finalement la représentation, moi je dirais les différents types de représentation, que ce soit graphique et ce que j'avais appelé la carte mentale. Alors, on peut développer justement sur la carte mentale. La carte mentale, je ne sais pas si vous arrivez à... Si j'arrive à rallumer... parlante, elle parle à tout le monde, je pense. Voilà, donc carte mentale, en fait, on a la représentation ici d'un espace par ce à quoi il fait penser. En fait, on a une évocation très culturelle, finalement, de cet espace. Et alors, Peter Seitz, c'est quelqu'un qui joue énormément avec ce genre de choses. Tous ses albums fonctionnent principalement avec ses cartes mentales, ses topogrammes, ses cartes heuristiques, donc, enfin, il y a un tas de dénominations. Alors, effectivement, les cartes et les plans, j'en ai pas parlé, mais c'est des éléments qui sont très présents dans les jeux vidéo. Bon, c'est pas systématique, mais c'est vrai que la plupart des jeux qui mettent en avant l'exploration de l'espace s'accompagnent d'une carte. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que les concepteurs se sont, semble-t-il, rendus compte que la carte était devenue indispensable à partir du moment où on est passé à la 3D. Comme si le fait de passer à la 3D risquait d'entraîner une certaine confusion de la part des joueurs. Et donc, c'était un moyen de faciliter le repérage. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour les romans de jeunesse, enfin, les albums ou les romans de jeunesse. La carte, en général, dans les jeux vidéo, elle a deux fonctions. Elle a une première fonction qui est une fonction de repérage, évidemment, pour éviter de se perdre. Puis elle a une deuxième fonction qui est une fonction d'ambiance. C'est-à-dire que la manière dont la carte est dessinée ou la manière dont elle est présentée, est-ce qu'elle se surimpose, est-ce qu'elle est proposée par un logiciel dans des jeux futuristes ou une carte façon vieux papier dans un jeu qui se passe dans une époque plus médiévale, elle a vraiment une fonction d'ambiance. Donc elle a une double logique. Je rajouterai une troisième logique pour l'album pour enfants, c'est le côté esthétique, hein, côté graphique finalement. Je pense que là on a un exemple là, sur un album, le dernier album du couple Mitilinski, La Carte, qui est un gros gros album, qui joue en fait là-dessus, sur le côté esthétique de la carte. Ça, c'est mieux peut-être. Mais par exemple, par rapport au... Est-ce que là, la carte ne nous renseigne pas également sur l'apprentissage de l'espace? C'est-à-dire, à un moment donné, notamment dans les jeux vidéo, la carte se découvre petit à petit. Et il y a des endroits qui sont cachés. Et puis dans les livres pour enfants, comme on le voit, les représentations cartographiques se complexifient en fonction de l'avancée. Oui. non mais c'est-à-dire qu'effectivement la carte se déploie au fur et à mesure de la partie, donc de ce point de vue la carte est l'indicateur de la progression du joueur dans le jeu. C'est-à-dire plus une carte est remplie avec beaucoup de signes, beaucoup de symboles, plus on peut comprendre que le joueur a avancé dans le jeu. Là le problème c'est de savoir si véritablement c'est ce que je disais tout à l'heure sur les intentionnalités, est-ce que c'est parce qu'un joueur utilise une carte dans un jeu vidéo qu'il apprendra mieux à lire une carte topo? Bon, tant qu'on n'a pas fait tant qu'on n'a pas testé ça, on peut rien en dire. Albums pour passer peut-être de la littérature à la géographie avec des enfants. Est-ce que tu as essayé des choses? Et comment est-ce que le passage de carte frontale, avec des visions qui sont souvent assez naïves ou volontairement naïves, te conduit à travailler la cartographie finalement avec des élèves? Alors, bien sûr que j'ai travaillé avec des élèves là-dessus. Notamment, on a la dernière expérience en date, hein, je ne sais pas si on peut dire expérience, mais ça a été de travailler sur des albums de François Place qui s'appelle l'Atlas des géographes d'Orbaï, qui, alors justement, là, l'entrée en matière, c'est justement par la carte, des cartes qui sont inscrites à la fois dans une temporalité, parce que c'est tout type de cartes travaillées, en allant du Portulan, en passant par la carte d'état-major. Et à chaque fois, enfin, ce qui était proposé aux enfants et aux élèves, c'était justement de travailler, de rentrer par la carte, en leur proposant les cartes, en leur disant à quoi ça vous fait penser. Généralement, il n'y a pas grand-chose, hein, parce que souvent, il faut, justement, pour pouvoir les interpréter, il faut avoir un référentiel. Et puis après, donc, bon, pour moi, c'était intéressant, parce que ce que je voulais savoir, c'est si c'était la carte qui permettait de construire l'espace ou le contraire. Et donc finalement, l'expérience qu'il aura été donnée ensuite à faire, c'est de construire une histoire, quand on aura lu les histoires de François Place, sur le modèle de François Place, construire des histoires, et ensuite à la fin, de créer leur propre carte, et de rentrer donc par la cartographie. Donc ils avaient commencé à voir finalement les rudiments de la cartographie à travers des cartes dites imaginaires, et ils ont réutilisé finalement ce qu'ils avaient, complètement intégré ce qu'ils avaient pu voir, pour faire construire et fabriquer leur propre carte. Donc ça peut être effectivement un bon médium pour aborder la cartographie et puis surtout l'utilisation qu'on peut en faire. En fait. Parce qu'il y a la question de l'échelle aussi. Bien souvent, on a des proportions qui sont assez exactes quand il y a un pays ou autre, mais les objets qu'on pose dessus ne sont pas du tout dans la même échelle. Et c'est là qu'il y a cette dimension plus imaginaire. Et du coup, comment est-ce qu'on peut aller vers la convention de la cartographie géographique? Les conventions, là, pour l'instant, sur ce que j'ai travaillé, c'est surtout le code couleur. Et puis, s'il y a échelle, c'est échelle des éléments les uns par rapport aux autres, mais pas par rapport aux autres, de ce que j'ai pu travailler pour l'instant. Oui, je voulais rajouter un mot sur les cartes mentales, alors pas tellement pour l'utilisation avec les élèves ou les étudiants, mais ouais, c'est un aspect du travail qui m'intéresse sur les jeux vidéo, c'est la manière dont les cartes mentales donnent à lire la nostalgie du jeu vidéo. Et il y a quelques sites, par exemple, qui proposent des cartes mentales réalisées par des joueurs de jeux auxquels ils ont joué quand ils étaient petits ou auxquels ils ont joué pendant très longtemps. C'est assez intéressant d'abord de voir, on va dire, la manière dont ça se conforme à la réalité du jeu lui-même. Bon, ça, c'est un aspect des choses. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est l'investissement que certains joueurs font dans la reproduction cartographique du jeu auquel ils ont joué. Donc là, effectivement, ça donne à lire des choses. Ça donne à lire à la fois le rapport nostalgique au jeu, mais ça donne aussi à lire l'attachement à une pratique culturelle de la part de ces joueurs. Enfin, moi, c'est un aspect sur lequel je suis en train de travailler en ce moment pour remonter ça. Christophe nous a parlé des lieux idylliques avec la rivière, la verdure et cet aspect d'eau, enfin de paisible. Et en fait, dans ce que je vous avais montré sur le jeu vidéo, on l'a retrouvé. Le texte de départ, la dernière ligne décrivait un lieu comme ça. Et ensuite, vous avez montré un espace où il y avait une ruine et il y avait aussi la verdure, etc. Alors, est-ce que là, on a des... Est-ce que c'est quelque chose qui est volontairement fait, peut-être des billes là-dessus ou pas, ou est-ce que finalement, quand on pense à un lieu idyllique, on a quelque chose comme ça en tête? Ouais, c'est une bonne question, enfin, et en même temps c'est une question compliquée. J'ai botté en touche, j'ai notamment botté vers un des chapitres de l'ouvrage, donc les jeux vidéo comme objet de recherche que j'ai co-dirigé. Pour résumer, c'est un chapitre donc écrit par deux spécialistes de l'histoire de l'art ou de l'histoire de l'Antiquité qui ont travaillé justement sur la représentation des paysages antiques dans les jeux vidéo. Et ce qu'elles montrent, c'est que donc ces deux spécialistes, c'est que la plupart des jeux vidéo qui mettent en scène des univers mythologiques qui font directement référence à l'Antiquité s'appuient en fait sur des topoi, c'est-à-dire des lieux communs justement. Y compris le locus amoenus, justement, c'est-à-dire le lieu paisible, alors, qui est souvent associé à l'herbe, à l'eau, etc. Donc effectivement, dans les jeux vidéo, on retrouve aussi cet ensemble de stéréotypes. La ville, par exemple, la représentation de la ville dans les jeux vidéo, elle a un statut un peu particulier. C'est souvent soit le lieu de la confrontation, le lieu de la violence urbaine, ou alors, au contraire, le lieu du repos. C'est le lieu où le personnage va se fourbir, s'acheter des nouveaux équipements, se reposer avant de partir justement à l'aventure. Donc on a comme ça des récurrences, enfin des stéréotypes qu'on retrouve effectivement dans les jeux vidéo. Question derrière, oui. Alors, en fait, il y a plein de questions dans une seule. C'est assez compliqué. Alors, on a quand même, on peut avoir assez facilement une idée du marché de l'emploi du jeu vidéo. Les gens qui font du jeu vidéo actuellement, les concepteurs de jeux vidéo actuellement, ils sortent la plupart du temps soit d'écoles directement spécialisées dans la formation du jeu vidéo, et c'est de plus en plus le cas parce que l'industrie s'est structurée, donc la formation aussi. Soit des gens qui viennent du design, donc des mondes des arts graphiques. Mais on n'a pas de sociologues, on n'a pas de géographes, mais il y a peu de géographes, peu de sociologues ou d'architectes qui conçoivent des jeux vidéo. Mais effectivement, par contre, ce qui est intéressant, c'est que on voit parfois certains concepteurs, alors pas en entretien, parce qu'encore une fois, on ne les a pas faits, mais dans des interviews, dans des documentaires, par exemple, qui expliquent aux journalistes que, par exemple, pour réaliser l'épisode Sands of Time de Prince of Persia, ils ont été obligés de feuilleter des catalogues, des bouquins d'architecture, justement pour essayer de reproduire des éléments architecturaux un peu stéréotypés, mais qui donnent une ambiance, une couleur un peu orientaliste. On a des éléments comme ça qui montrent que, malgré tout, ils sont bien obligés à un moment donné de se demander comment c'est dans la vraie vie et comment on fait pour transposer ça dans le jeu vidéo. Et puis, je voulais faire une autre remarque. Je sais plus ça va revenir. Donc le corpus, donc c'est une grande histoire. En fait, il y a le premier objectif tu veux prendre ? Non, vas-y. Donc le premier objectif, c'est justement de montrer à travers ces albums s'il est possible en fait de modifier ou de produire en fait une sorte de spatialité avec des enfants, quoi, avec les lecteurs. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut que j'ai des albums qui soient encore consultable. Donc ça veut dire que la première chose où je suis allé voir en fait un logiciel, un database qui permet en fait de référencer tous les albums qui sont encore consultables aujourd'hui. Donc là c'est une base qui s'appelle la base Electre en fait. J'aurais pu en prendre n'importe quelle autre, donc j'ai pris celle-ci. Donc première chose, donc là sur les albums pour enfants, après il va falloir que je sois dans le album pour enfants et non pas roman, etc., ou livre illustré, ou documentaire. Donc dans album pour enfants, je suis arrivé à peu près déjà à tomber à peu près sur 1500 albums, en sachant que là-dedans il y a des rééditions, donc ça en est mis quelques-uns. Et puis après sur ces albums-là, j'ai fait un tri au niveau des dates, c'est-à-dire que moi je voulais commencer à partir de 1919, donc c'est à peu près le premier album avec lequel il y a vraiment un fonctionnement d'interdépendance entre l'image et le texte. Et puis je m'arrête parce que là sinon ça c'est sans fin. Donc je me suis arrêté au mois de juin 2012. Donc là, ça a fait une sélection. Alors, après, dans ce créneau-là de date, il fallait que je trouve des albums qui représentent des espaces, le représentent, donc soit par la forme de paysage, soit la forme de carte, donc carte mentale, et puis la représentation. Et en même temps, à côté, il y avait aussi les récits. Donc récits d'itinéraire, récits de voyage, etc., à travers ces albums-là. Donc c'était les différents critères qui ont établi mon corpus. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Donc en fait, deux remarques supplémentaires. Alors, la première sur la formation, justement, j'avais rencontré la directrice de l'école Super Info Game, qui est une école de formation aux jeux vidéo qui se trouve à Valenciennes, qui est une émanation en fait de Super Infocom. Et la directrice, donc elle est certifiée de philosophie. bon, alors elle conçoit pas les jeux vidéo, mais elle a quand même un bagage SHS, enfin sciences sociales. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle expliquait que justement leur volonté dans leur école, c'est de se démarquer des formations comme au Japon et de proposer à leurs étudiants un contenu qui soit autre que simplement de l'informatique ou de la conception de jeux vidéo. Un contenu qui s'apparenterait en fait à une sorte de bagage un peu social ou sociologique dans leur formation, qui leur permettrait ensuite d'être concurrentiel en fait dans le marché de l'emploi par rapport à des concepteurs de jeux vidéo ou des concepteurs potentiels qui ne savent faire que des lignes de code, en gros, mais qui ne sont pas capables de, bah voilà, de travailler un peu sur les représentations ou sur des aspects plus culturels ou sociologiques. Et alors, la deuxième remarque sur les joueurs, alors, bon là c'est pareil, on n'a pas d'enquête statistique, mais bon, on peut se douter que la plupart des concepteurs sont des joueurs. Moi, les concepteurs que je connais, bon, ils sont joueurs, hein, donc ils travaillent, ils conçoivent, et puis le soir, ils rentrent, ils jouent à World of Warcraft, donc voilà. Okay. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'industrie du jeu vidéo joue beaucoup là-dessus pour séduire justement les futurs concepteurs. Ils jouent beaucoup là-dessus, et parfois, c'est à leur sert même d'argument pour faire passer des conditions de travail qui sont parfois difficiles. Notamment aux États-Unis, dans les grosses boîtes comme Electronic Arts, les concepteurs de jeux vidéo sont soumis à des volumes hebdomadaires qui sont plus de 40 heures, 50 heures de travail. Mais bon, on fait du jeu vidéo, donc on s'amuse en travaillant. Donc ça va, on peut faire 50 heures. Vous voyez ? Enfin, il y a un discours, mais ce discours, il existe bel et bien dans la tête des industriels, voilà, dans tout particulier des grosses boîtes. C'est un peu comme pour Google, hein, on met une piscine à disposition et une salle de gym, donc les gens se sentent bien, donc ils travaillent bien. Sauf qu'apparemment, dans les boîtes de jeux, bah, ils n'ont pas le temps d'aller à la piscine. Donc, voilà. À tel point qu'il y avait même eu une association qui avait été montée par des femmes d'employés de Electronic Arts pour se plaindre justement des conditions de travail de leur mari en disant qu'ils ne les voyaient jamais. Voilà. Donc, oui, la plupart des concepteurs sont des joueurs, mais ça ne veut pas forcément dire que le boulot est facile à faire et bien rémunéré. Mais toujours sur cette question de corpus, vous avez parlé de sites de référence pour choisir les exemples. C'est quoi ces sites ? Alors en l'occurrence sur les statistiques que j'ai données au départ, je suis parti d'un site de jeux vidéo qui s'appelle jeuxvideo.com, qui est considéré comme le premier site d'actualité de jeux vidéo en France. Le premier en termes de public, hein, pas en termes d'intérêt du contenu. C'est essentiellement, enfin, je veux dire, c'est pas un site d'analyse, c'est un site de critique, de test et d'actualité. Voilà. Donc ils sont exhaustifs, hein, ils sont assez exhaustifs sur les sorties, sur les dates de sortie. Il y a un autre site, alors qui est un site collaboratif qui s'appelle Moby Games, MOBYGAMES, qui est un site collaboratif type Wikipédia où les gens sont invités à remplir une base de données de jeux vidéo. Et c'est une base de données qui fait 70 000 titres, enfin qui est incroyable, enfin avec des jeux de toutes les générations. Mais qui est compliqué à utiliser parce que enfin, les référencements ne sont pas forcément ceux qu'on souhaiterait avoir. Voilà. Donc voilà, il faut s'appuyer soit sur les sites de journalistes, soit sur des sites comme ça collaboratifs. Et alors, une question un peu particulière. Au niveau de l'information sur le marché du jeu vidéo, oui. Ses pratiques, quels sont les sites sérieux d'information Alors, les sites sérieux sur l'information, sur le lié au jeu vidéo et sur les pratiques. Alors, sur les sites sérieux sur les informations, bah, c'est tous ces sites, jeuxvideo.com, ils sont sérieux dans le sens où les dates de sortie sont bel et bien là, il y a des tests, il y a des articles, y compris d'ailleurs des articles un peu rétrospectifs sur des séries, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Sur les pratiques, bah, c'est là où ça devient compliqué. Le problème des pratiques, c'est qu'il faut faire des entretiens ou alors il faut payer des gens pour faire des enquêtes, des questionnaires téléphoniques. Et ça, malheureusement, ça coûte cher, c'est long. Alors... j'ai prêché un peu pour ma paroisse. Je mène actuellement un projet de recherche qui est financé justement par l'Agence nationale de la recherche et qui est porté par le laboratoire CITER. Donc un projet de recherche dont l'un des volets est justement la réalisation d'une enquête par entretien téléphonique sur échantillon représentatif de la population française. Donc 2000 individus de 18 ans et plus, 500 individus de 11 à 17 ans ont été interrogés par téléphone, durée de 10 à 20 minutes en moyenne, sur les pratiques de jeux vidéo, avec échantillon représentatif de la population française, ce qui veut dire que là on vient de recevoir les données, il nous reste à les traiter, on devrait pouvoir faire des redressements et indiquer de manière un peu plus précise que ce qui est fait actuellement, combien de temps par semaine les gens jouent aux jeux vidéo, selon quel type de public, est-ce que c'est des jeunes, est-ce que c'est des moins jeunes, quelle catégorie socio-professionnelle, est-ce qu'ils jouent plutôt chez eux, plutôt dans les transports, etc. Voilà. Malheureusement, ce type d'enquête, elle coûte très cher, donc on a peu de données, si ce n'est des estimations qui sont souvent données soit sur des échantillons de 18 ans et plus, mais là, vous excluez complètement les populations jeunes, et on sait très bien que ce sont les jeunes qui jouent, enfin, que les jeunes jouent beaucoup aux jeux vidéo, soit sur des cibles très précises, des créneaux très précis, les filles, les 25-34 ans, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, j'en ai une juste pour rebondir sur les cibles. Justement, quelles sont les variations qu'on peut constater en termes de représentation en fonction des publics ? Alors, ça peut être le genre, donc filles, garçons, ça peut être l'âge aussi, ou par exemple les oppositions entre espaces rassurants et espaces redoutés peuvent évoluer, les figures peuvent se complexifier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur le contenu des représentations, justement, et sur la forme que ça prend en termes de support? Moi, je vais donner un exemple parce que malheureusement, je n'ai pas de vision très synthétique sur ces questions-là, mais il y a eu un travail mené par une anthropologue aux États-Unis sur un jeu vidéo, c'est Oblivion, donc qui est un jeu de rôle où on incarne un personnage dans un univers médiéval fantastique. Et en fait, elle s'est intéressée à un public très particulier qui est un public de doctorants en histoire de l'art, je crois, ou en... je crois que c'est en histoire de l'art, de doctorante en histoire de l'art. Et elle montre qu'en fait, le bagage intellectuel et le bagage culturel de ce public fait que ce sont des joueuses qui sont particulièrement intéressées par la dimension paysagère du jeu. Donc, on a des pistes dans certains travaux, des indices qui montrent que l'appropriation par les joueurs des représentations spatiales ou des codes spatiaux qui sont véhiculés dans ces jeux dépend sans doute d'un certain nombre de facteurs sociologiques, donc le genre, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, et puis peut-être aussi ce que appelle un des sociologues avec qui on travaille, Samuel Kodavou, la carrière des joueurs, c'est-à-dire le fait d'avoir joué à d'autres jeux vidéo auparavant, à d'autres types de jeux, d'avoir joué tout seul, d'avoir joué avec ses parents, avec ses frères et sœurs, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pour ça que c'est à la fois aussi complexe et aussi passionnant à travailler sur l'appropriation des représentations spatiales. On a quand même quelques indices, donc par exemple cette étude sur les doctorantes. Donc en fait la question, si je l'ai bien compris, c'était donc les différents types de représentations qu'on peut trouver. Leur réception, c'est... En fonction de l'âge, des catégories socio-professionnelles. Ça, c'est une question complexe, mais qui peut être intéressante. En tout cas, je n'ai pas encore abordé cette question-là, mais en tout cas, les différents types de représentations qu'on a dans ces espaces-là, c'est vrai que les albums, par exemple, First of One, c'est la ville quand même. La ville passe vraiment par être la représentation première, en tout cas dans le corpus que j'ai à traiter. Après, juste après, on va avoir l'espace rural, avec, je pense que je vous ai donné un extrait, avec Caroline, par exemple. Et puis on aura après tout ce qui va être la montagne, le littoral. Donc ce sont des espaces qui véhiculent. En plus, c'est très difficile de généraliser parce qu'en fait, dans les albums, on ne peut pas dire que les albums vont sortir un type de représentation générale pour la montagne. Je parle de la montagne, parce que le souvenir est très frais. Donc finalement, on n'a pas forcément un même type de représentation dans tous les albums. Donc ça va varier suivant ce qui s'y passe. Ça va varier en fonction de ce qu'on veut faire de la montagne. Je pense encore par exemple à un album de Peter Sis qui vient de sortir, là, qui s'appelle La conférence des oiseaux, où finalement la montagne sert, si vous voulez, comme moyen de recueillement. Et donc du coup, là on est du tout dans une représentation, je dirais, elle est territoriale, mais on est dans une représentation qui devient poétique et puis plus spirituelle. Juste pour compléter la question, en vous écoutant tous les deux, j'avais l'impression que vous parliez justement du public qui était les mêmes mais qui évoluait. C'est-à-dire que, notamment dans les albums pour enfants, la dimension sexuée, j'ai l'impression qu'elle est assez peu présente. Parce que les enfants, ils ne sont pas encore dans cette spécialisation-là. Ça faisait partie de la question, est-ce qu'il y a une littérature plutôt pour filles, plutôt pour garçons? Est-ce que les représentations de l'espace peuvent changer? Et puis après, j'ai l'impression que ceux qui jouent aux jeux vidéo sont un peu plus âgés déjà. Et à ce niveau-là, c'est les dichotomies se complexifient. Par exemple, la figure de l'espace enchanté rassurant peut-être disparaît peu à peu ou prend d'autres formes, et celle de l'espace conflictuel redouté également. Enfin, voilà, ce qui serait intéressant, ce serait une sorte d'étude longitudinale sur l'évolution des perceptions selon les âges et comment ça participe d'un apprentissage à la fois de l'espace domestique et de l'espace exotique, notamment. Quant à savoir s'il existe des ouvrages sexués, c'est-à-dire, il y a effectivement la cible, c'est-à-dire on verrait, si on pense que Caroline et Martine sont des ouvrages plutôt pour les filles, hein, on peut penser, hein, mais finalement, on sait pas trop qui lit finalement ces albums-là. Voilà, donc du coup, moi je dirais qu'entre entre Caroline et Martine, Martine est beaucoup plus sexuée que Caroline. Après, on va avoir. Bon, si là je parle vraiment dans les ouvrages de série où c'est vraiment déjà très. Mais par exemple, un personnage comme Choupi, qui est indéfinissable. On ne sait même pas si c'est un animal. Voilà, on ne sait pas si c'est quel animal c'est, si c'est un pingouin ou quelque chose comme ça. Et au niveau du sexe, on ne sait pas trop ce que c'est. On a vraiment une volonté de généralisation, quand même. Sur cette production sexuelle, on va dire, en matière de jeux vidéo, c'est. Ouais, là, c'est pareil, il faut démêler d'un côté les stratégies des concepteurs, méconnaissance des parents et puis des envies des enfants. C'est-à-dire que, bon, il y a des concepteurs qui vont sortir des jeux explicitement pour les filles et puis d'autres explicitement pour les garçons. Mais rien n'empêche une fille de jouer à un jeu de guerre et un garçon de jouer à Alexandra Lederman, quoi. Donc, à la limite, donc, là où c'est intéressant, c'est comment le jeu rentre dans l'espace domestique. Est-ce que le jeu rentre par les parents? Les parents eux-mêmes, est-ce qu'ils ont une connaissance de la production vidéoludique? Est-ce qu'ils achètent un jeu où il faut faire sa garde-robe parce qu'ils disent, tiens, ça c'est un jeu plutôt pour ma fille, donc j'ai lu acheter ça, puis le jeu de guerre, je vais l'offrir à mon fils. Ou alors le jeu rentre par les enfants eux-mêmes qui, eux, décident, disent à leurs parents, tiens, il faut que tu m'achètes ce jeu-là, c'est celui-là que je veux. C'est là que c'est intéressant, en fait, plus que constater qu'il y a des jeux pour les filles et des jeux pour les garçons. Moi, j'en suis pas du tout persuadé, pour le coup. Il y a même des groupes de filles qui se revendiquent justement des. Enfin, sur les jeux de tir en particulier, dans les compétitions de tir, il y a des groupes uniquement constitués de filles qui se revendiquent comme étant capables de battre des groupes de garçons. Alors, toutes les filles jouent pas comme ça, mais on voit bien que ce qui est le plus intéressant, de se demander le rapport au jeu et comment le jeu rentre dans l'espace domestique et est approprié, plutôt que de constater une production sexuée. Oui, pourquoi ? Apparemment en Jordanie aussi, ils se sont lancés dans la conception de jeux vidéo. Au Vietnam, faut considérer que c'est un pays émergent sur le marché du jeu vidéo. De manière générale, il y a les pays classiques, enfin les anciens pays du jeu vidéo. Historiquement, le jeu vidéo est né aux États-Unis. Ensuite, l'industrie du jeu vidéo s'est développée au Japon, au Royaume-Uni. En Europe, France, Allemagne, et puis donc maintenant, depuis les années 2000, on a ces nouveaux pays qui émergent. Je ne pourrais pas vous dire précisément lesquels, parce qu'il faudrait regarder de manière générale, mais il y a cette poussée du Moyen-Orient qui se fait, et de l'Asie du Sud-Est, avec des productions qui se démarquent du Japon. Hein. En Asie du Sud-Est, à une échelle régionale, il faudrait distinguer la production japonaise de la production sud-coréenne, de la production vietnamienne, qui sont vraiment des filières différentes. Par contre, à ma connaissance, en Afrique, on n'a pas à ma connaissance, encore une fois, hein, je suis loin d'être omniscient sur ces questions, il n'y a pas de pays qui se démarque par des productions, si ce n'est les pays du Maghreb qui reçoivent en fait des studios délocalisés, donc c'est une situation un peu différente. Et en Amérique du Sud, je ne pourrais pas dire non plus. Désolé d'être aussi peu précis. Oui. Est-ce que elle existe. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des albums qui. J'ai pas, par exemple, montré d'albums japonais, par exemple. On a des relations, des spatialités qui sont quand même différentes par rapport à des albums européens. Ouais. Mais curieusement, d'ailleurs, certains albums japonais sont traduits en français. Hein, ils sont présentés, je pense notamment à La Famille Souris. Ce sont des albums qui sont des albums de série, qui sont des albums qui traduisent une spatialité typiquement japonaise. Et ça passe comme une lettre à la poste en France. Enfin, voilà. Peut-être parce que finalement, alors là, je vais... peut-être parce que ces livres-là, il faudrait aussi qu'ils soient passés en, avec une, en transmettant justement, voilà, puis en les décodant, quoi, en les décodant. Oui. À détruire tout le passif culturel des jeux japonais pour en faire des jeux standardisés américains en changeant les jaquettes, en changeant un peu les sprites pour en faire des jeux, bah, finalement, ce personnage mignon devient une femme à forte poitrine qui est finalement super sexy et hyper marquée dans les 80. Bah, Nintendo, c'est japonais. Oui, mais Nintendo, yes. Ah oui, d'accord, oui. Alors, en fait, je pense que c'est moins pour détruire on va dire un héritage culturel que pour répondre à des codes culturels qui sont différents. Il y a deux chercheurs japonais, un géographe et un économiste qui avait fait un article vraiment très intéressant qui montre que l'industrie du jeu vidéo ne s'est pas du tout constituée sur le même tissu historique au Japon et aux États-Unis. Au Japon, par exemple, l'industrie du jeu vidéo s'est beaucoup développée à partir de l'industrie de la bande dessinée, du manga, du manga si on veut. L'industrie des industries qui racontent des histoires. Et c'est ce qui fait que la production vidéoludique japonaise est très marquée par ce qu'on appelle les jeux de rôle à la japonaise, qui sont des jeux de rôle où l'accent est beaucoup mis sur le récit, sur les dialogues, sur des personnages. Parfois au détriment de l'action. Alors qu'aux États-Unis, le jeu vidéo, et ça c'est un philosophe avec qui on travaille, qui s'appelle Mathieu Triclot, qui a fait un article d'ailleurs là-dessus dans le deuxième bouquin, L'espace et temps des jeux vidéo, qui est sorti cette année, il montre qu'aux États-Unis, l'industrie du jeu vidéo n'est pas du tout née de ce contexte-là, il est né beaucoup plus du contexte scientifique des campus universitaires, donc des jeux qui mettent beaucoup l'accent sur le calcul, le calcul d'algorithmes, les jeux de tir balistique, ce genre de jeu, et puis le jeu de la fête foraine, le flipper, la machine à sous, etc. Ce qui fait qu'on a des codes culturels qui sont très différents, et donc du coup une production qui est dans les années 80 qui est aussi assez marquée. Je penserais, ça me semble, mais on peut en discuter, mais il me semble que c'est plutôt ça, à mon avis, qui a fait qu'il y a eu transfert, je pense, pour répondre justement à des codes culturels qui étaient différents. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a eu la volonté de se démarquer de... ça, c'est peut-être plus Sega. Après, il y a aussi des concurrences entre grandes industries de jeux vidéo, notamment la fameuse concurrence Nintendo-Sega dans les années 80, avec justement... il faut remettre là aussi dans le contexte. 1984, c'est l'année du crash de l'industrie du jeu vidéo aux États-Unis. Et il y a beaucoup de boîtes qui ont disparu, en fait. Parce que en fait, le marché n'était pas mûr. Beaucoup d'industries se sont lancées, beaucoup de boîtes de développement se sont lancées dans la production de jeux vidéo. C'est souvent de jeux de piètre qualité. Et en fait, le marché n'a pas suivi parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs. Et après le crash de l'industrie, il restait les grands groupes comme Nintendo et Sega qui sont vraiment lancés dans une guerre pour conquérir les marchés. Et là, pour le coup, on a eu surenchère de violence, surenchère de jeux attractifs, justement avec des personnages féminins stéréotypés, etc. Donc c'est peut-être ça aussi qui a alimenté un peu ce passage de l'un. Je ne sais pas si j'ai... Si je vous ai en partie convaincu. Je pense qu'en fait, c'est dans l'arrivée des jeux japonais, il y a toujours une étape de déculturation et de réappropriation des jeux qui arrivent. Il y a toujours là, c'est peut-être plus un problème américain du fait que, oui, on n'est pas très ouvert aux autres cultures et que notre culture dominante devrait toujours se retrouver à tout ce qu'on fait. Ouais. C'est particulier. Mais en fait, c'est peut-être parfois très lié. Je sais pas. Honnêtement, qu'il y ait eu des modifications de contenu, je suis d'accord. Mais moi, je vois plutôt ça en termes d'adaptation à des héritages liés à l'histoire du jeu vidéo qui sont différents et puis à cette concurrence entre grandes boîtes pour faire des jeux, des jeux de plus en plus racoleurs. Quoi. Vous avez montré City Life tout à l'heure, et il y avait une symbolique des couleurs qui était assez identifiable avec les élus pendants et les perdants noirs. Est-ce que là, vous pensez que c'est un hasard intégré ou est-ce que c'est une volonté finalement du créateur d'utiliser une symbolique constante des couleurs? Bah, le noir, c'est vrai que le noir, c'est le gris des bâtiments. Enfin, vous avez vu les bâtiments qui sont délabrés. Voilà, c'est le gris. C'est pour le blanc. Ah oui, pour le blanc. Ah oui. Le blanc, c'est toujours la pureté. Non, non, mais c'est gagnant. Ouais. Le cheval blanc, c'est celui qui a gagné la bataille. Ouais, mais aux échecs, c'est. Mais dans l'histoire, c'est vrai que dans les tableaux, en histoire de l'art, on a toujours cette idée du cheval blanc, c'est celui du vainqueur. On dit, celui qui va gagner avec ça. Et là, finalement, le fait que les élites soient représentées en blanc. Moi, je n'ai pas eu besoin que vous le disiez pour avoir fini. Oui, vous avez raison. J'ai cette image-là en tête. Mais est-ce que c'est inscrit finalement comme ça ou est-ce qu'il y a un choix délibéré d'utiliser comme ça des ouais, il faudrait leur poser la question. Hein, mais effectivement, c'est une question intéressante. Alors, en fait, ils ont peut-être aussi procédé par élimination. C'est-à-dire, bon, pour les pauvres, on va être du noir parce que c'est du gris, les bâtiments sont sales. Les cols bleus, on va les mettre en bleu. Voilà, bon, bah, il reste trois couleurs pour trois autres groupes, donc on va les répartir. Enfin, je pense qu'à mon avis, ça s'est joué aussi un peu comme ça. Mais il faudra leur poser la question. Mais c'est vrai que ça paraît logique, enfin, ça nous paraît logique et c'est intéressant. Ça dit des choses aussi sur nous-mêmes, hein, sur la manière dont on perçoit les couleurs. Ça nous paraît logique que les élites soient en blanc. Moi, j'avais une question sur. J'avais une question sur justement le. Le rapport entre l'espace réel, enfin le monde réel, et puis notamment, là ça concerne plutôt les jeux vidéo, l'espace virtuel. Et notamment, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les jeux comme facteur de consolidation de communautés? Alors ça peut être des communautés de joueurs, alors qui peuvent se concrétiser par... La mise en place de mondes virtuels très complexes qui sont parfois même des lieux où s'opèrent de nouvelles sociabilités. Alors ça peut être Second Life, ça peut être World of Warcraft, etc. Mais aussi des jeux comme des éléments structurants de communautés, de représentations communes, notamment chez les groupes de garçons qui s'échangent les jeux et qui justement élaborent une représentation partagée du monde. Là, il me faut 30 secondes de me rassembler mes idées. Alors qu'il y ait des communautés de joueurs qui se constituent autour de certains types de jeux ou certaines catégories de jeux, ça c'est un fait. Il y a les joueurs fans de jeux de course, les joueurs fans de civilisation. Il y a un site hyper intéressant, ça s'appelle civfanatics.com qui est à mon avis le premier site de jeux vidéo sur la série de jeux Civilization, donc un jeu où on incarne en gros le dirigeant d'un pays qui traverse les millénaires, hein, puis moins 4000 avant Jésus-Christ jusqu'à 2050, et donc il faut faire évoluer son pays à coup de recherche technologique, de développement économique, d'aménagement du territoire, et puis de guerre bien sûr. Et donc effectivement il y a des grosses communautés qui se constituent. Après il faudrait voir précisément qui sont ces gens-là. Ce qui est assez intéressant quand on regarde les discussions sur les forums, c'est que c'est des gens qui sont très intéressés par l'histoire et la géographie. Et donc il y a une partie du forum qui est par exemple consacrée, voilà, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Alors il y a des gens qui lisent l'art de la guerre de Sun Tzu, il y a d'autres gens qui lisent des biographies d'anciens dirigeants politiques, enfin, comme les fameux, on connaît bien ces bouquins-là. Donc on voit bien que cette communauté se structure autour d'un jeu, et à travers ce jeu, voilà, y met leurs intérêts qui dépassent largement les jeux vidéo. Et dans le cas de Civilization, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des modes qui permettent d'éditer les cartes sur lesquelles on joue. Et là, il y a des joueurs qui s'amusent même à reproduire les cartes les plus fidèles possibles d'un continent ou même de la Terre. Donc il y a eu tout un sujet de discussion sur le forum pour essayer de faire la carte de la Terre, non pas celle qui est proposée dans le jeu, qui leur semblait un peu trop approximative, mais une vraie carte à de plus grande taille, en localisant précisément les pays, y compris des pays qui ne sont pas proposés dans le jeu, qui ont disparu. Enfin voilà, il y a un vrai travail là qu'on voit bien dans ce jeu-là, un travail de la part des joueurs, de cartographier, de reproduire l'histoire, la géographie du monde. Mais bon, Civilization, c'est un cas un peu particulier. Hein. Sur les jeux de foot, je ne sais pas si on pourrait en dire autant, encore qu'il y a des joueurs aussi qui... voilà, il y a aussi des vraies communautés autour des joueurs de foot qui partagent leur avis. Des jeux qui participent à des mondes comme Seigneur des Anneaux ou Star Wars. Oui, et qui se retrouvent. Bah, le, Le jeu Star Wars The Old Republic est sorti en décembre. L'année dernière, oui, ça va faire un an. C'est un jeu de rôle qui joue en ligne avec abonnement payant. Contrairement aux autres jeux de rôle en ligne qui sont sortis après World of Warcraft, celui-là a connu un très bon démarrage. Pourquoi ? Bah parce que c'était la guerre des étoiles. Donc il y a beaucoup de gens qui, pas forcément très intéressés par les jeux de rôle en ligne où il faut payer un abonnement tous les mois, se sont dit « Ouais, mais là quand même, je dis ça, je suis bien placé pour en parler. Là quand même, c'est la guerre des étoiles, quoi, il faut essayer. » Bon, il se trouve que un an après, il y a 50% de joueurs en moins. Parce que passer le plaisir d'être dans le jeu, confronté à l'univers qu'on affectionne, parfois ne tient pas face à des mécanismes de jeu qu'on aime ou qu'on n'aime pas face à la bonne. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le jeu vidéo est un point d'entrée de pratiques culturelles beaucoup plus larges et la manière dont ces pratiques culturelles circulent dans les jeux vidéo et à travers les jeux vidéo. Ceci étant, peut-être que pour les romans de jeunesse, on trouve aussi des communautés. On a vu une couverture d'un livre de Claude Ponty, et c'est vrai que ces œuvres sont quand même très très particulières. Et donc, justement, tout ce qui est cartographie dans les livres de Claude Ponty, j'ai mal à voir comment les enfants peuvent évoluer grâce à ça, parce que c'est quand même un univers qui est quand même assez bizarre, terriblement malsain, surtout quand on le voit avec un œil plus adulte. Genre, je suis encore traumatisé par des livres que j'ai lu en public quand j'étais petit. Donc, je sais pas trop ce que. Malsain dans quel sens ? Je sais pas, c'était tout cet univers avec des organes disproportionnés, une espèce de bouche géante, des choses assez. Oui. Enfin, j'en ai eu un qui était assez glauque, oui. Oui, enfin, ma vallée, justement, me demande des questions ici. Je sais pas, donc, ça va, c'est quand même mignon, hein. C'est pas peur. Il n'y a pas des gros monstres qui mangent et qui avalent tout le monde, hein. Ceci dit, Max et les Maximonstres, il y a quelques mois. Max, vous êtes, oui. Max et les Maximonstres, ça avait déjà défrayé la chronique quand c'était sorti. Hein. Mais oui, donc, finalement, je suis arrêté sur la dernière partie de la question. Moi, je veux dire, il y a un univers quand même assez particulier. Ça se ressent aussi au niveau de la manière dont la narration spatiale se retrouve pour les enfants ou... Alors, ben, les albums de Claude Ponty sont très variés hein, les uns que les autres. Moi, si je parle de celui-ci, celui qui m'intéresse juste à ce moment-là, Ma Vallée, là-dessus, il est assez spécial dans la mesure où finalement il n'y a pas vraiment un seul récit. Hein. Ça fonctionne comme un catalogue, un guide touristique finalement de Ma Vallée, où on revient assez régulièrement d'ailleurs Ma Vallée sous différentes formes. Le paysage, ce paysage-là vu à différentes saisons, et en même temps Ma Vallée, à un moment donné, plus sous la forme d'une carte. On a une carte avec justement toute une topographie importante, hein, une toponymie très liée à l'histoire de Ma Vallée. Donc on a vraiment tout un relationnel vraiment, vraiment très important. Donc là, on a une multiplicité des récits historiques, puisqu'il y a une histoire de Ma Vallée. Et en même temps, on est à un ancrage géographique très important, puisqu'on nous invite à voyager dans. Parce que j'ai parlé de divagation tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un trajet linéaire, mais on part à droite, à gauche. Territorialise vraiment en fait cet espace. Donc là, en tout cas, là, c'est beau, c'est très très rassurant finalement, Ma Vallée, très très rassurant. Et je pense que l'image qui est donnée en couverture, elle a aussi cette fonction-là. Par contre, un des ouvrages qui s'appelle le Bibi Gouffron, qui est un ouvrage où finalement on a un monstre qui avale des paysages, des tonnes de paysages pour les digérer en un monde nouveau. Peut-être que ça peut être effrayant. D'autres questions, pas ? N'hésitez pas, des remarques, des demandes de précision. Oui ? Pas bien, est-ce qu'on ressent l'influence de... L'influence personnelle des développeurs pour les jeux vidéo, des développeurs pour les enfants. Leur trajectoire personnelle dans... Voilà, la sensibilité, la sociologie... Bah, C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le, moi, je suis persuadé qu'elle existe, cette influence, mais pour l'instant, on ne l'a pas suffisamment documentée. Mais enfin, je ne vois pas comment elle ne pourrait pas exister, en fait. Quand on, ne serait-ce que dans le choix des thèmes, dans le choix des univers qu'on veut mettre en scène, il y a nécessairement un lien. Après, pour arriver à documenter ce lien, bon, bah, encore une fois, il faut faire du terrain, quoi. Faut faire des entretiens, faire des enquêtes. Leur chemin personnel est extrêmement fort. Peter Sis, par exemple, c'est quelqu'un qui est né en Tchécoslovaquie, qui a vécu derrière le mur, hein, qui n'avait qu'une cesse, c'était de partir, et à un moment donné, on lui a donné l'occasion de partir en 1984, il devait aller faire un film à Los Angeles, et finalement, il est resté à Los Angeles. Et du coup, sa vie a été marquée profondément, donc il a vécu à Los Angeles, maintenant il vit à New York. Sa vie a été marquée en fait de phases de déterritorialisation et de reterritorialisation. Qu'est-ce qui arrive à Madinka ? C'est exactement ça. Elle est à un moment donné, elle sort de chez elle, elle va rencontrer différents endroits. À chaque fois, elle est détériorialisée, elle ne sait plus du tout où on est. Et finalement, quand elle a fait le tour de son pâté de maison à la rencontre des différentes personnes qui habitent le monde, elle finit une phase. Vous la voyez comme à l'image du petit Twins avec son parapluie, là, en train de dominer ma vallée, hein, c'est ma vallée, sa vallée, ça y est, elle est territorialisée. Bah, Madeleine Carr, on la voit aussi avec un petit parapluie en train de dominer un monde qu'elle s'est façonné. Et cette histoire-là, c'est pratiquement l'histoire de la vie de Peter Sis. Donc effectivement, là, l'influence, elle est extrêmement forte. Je ne parle même pas de François Place, pour lequel il disait que lui, il avait vécu dans l'univers des cartes, un amoureux de la carte, graphiquement, quoi. Oui, je suis en train de retrouver le nom du concepteur d'Atari, je crois que c'est Nolan Bushnell, qui a proposé le jeu Pong en 1976. C'est quelqu'un qui travaillait dans les fêtes foraines. Et visiblement, ce que dit Mathieu Triclot, c'est le fait d'avoir travaillé dans les fêtes foraines lui a donné l'idée, tiens, pourquoi pas inventer un jeu où on met une pièce et puis on peut jouer. C'est pas anodin, que ce type de jeu se soit développé à cette époque par des gens qui justement travaillaient dans des lieux de l'attraction qui misaient plutôt sur le spectaculaire et puis sur le jeu à la pièce, quoi. Et c'est comme ça que le jeu à la pièce s'est développé, sur cette base-là. C'est un élément, début d'élément de réponse, d'exemple. Oui. J'ai pas de point de vue vu que ce n'est pas un jeu vidéo. Pour moi. Non. Bon. On est là, on est face à l'écart. Oui. Oui, oui. Pour moi, c'est pas un jeu vidéo, Second Life, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'objectif. Ce qui définit quand même un jeu vidéo, c'est l'objectif, entre autres, c'est des mécanismes du jeu qui tendent à un objectif que le joueur doit accomplir. Alors. Remplir des lignes comme à Tetris, affronter un ennemi, etc. Second Life, il n'y a pas d'objectif. D'ailleurs, ça a été assez déserté, je crois. Il y a eu un effet de mode. Mais c'est vrai que c'est des cas un peu particuliers. Enfin, on pourrait dire aussi de SimCity qu'il n'y a pas d'objectif. SimCity, on incarne un maire, on doit construire une ville, mais il n'y a pas de fin, quoi. Il n'y a pas à un moment donné, vous avez atteint 300 000 habitants, c'est bon, vous avez gagné. Donc c'est des jeux un peu... pour être plus précis encore, pour ce type de jeu, comme SimCity, il y a deux chercheurs qui travaillent sur ce qu'on appelle les jeux sérieux, donc Julian Alvarez et Damien Jaouti, ils appellent ça des jouets vidéo. C'est-à-dire, comme les jouets, les soldats de plomb, c'est des éléments ludiques, et puis on en fait ce qu'on veut. Alors maintenant, on parle parfois de jeux bac à sable aussi. C'est-à-dire, on fait un peu ce qu'on veut, on édite comme on veut. Donc Second Life est proche du bac à sable de ce point de vue-là. Par ailleurs, ce qui manque quand même à Second Life, c'est justement des mécanismes ludiques. C'est-à-dire que SimCity a des mécanismes ludiques. À défaut d'avoir un objectif précis, il y a des mécanismes ludiques, ce qu'il n'y a pas dans Second Life. Ou alors, ce sont des mécanismes qui sont ludicisés en quelque sorte par les utilisateurs, c'est-à-dire qui en font un effet ludique, mais qui en soi ne sont pas des mécanismes ludiques. Moi, j'avais une question sur là on a parlé de l'espace dans les supports culturels sur lesquels vous travaillez. mais finalement, il y a aussi en quoi ils font partie, en quoi ils constituent des espaces mentaux à part entière. Mais dans le sens, et je vais être un peu plus précis, que pensez-vous justement de certains objets culturels qui dépassent vos supports largement, qui les transcendent, notamment justement des univers que les geeks vont appeler des univers cultes. Hein, donc on a évoqué Star Wars, on a évoqué Seigneur des Anneaux, on a évoqué Harry Potter, et il y en a d'autres, qui finalement se déclinent sur tout un tas de supports, alors livres, alors il va y avoir des illustrés aussi, jeux vidéo, séries, films, etc. Et qui, à un moment donné, apparaissent comme une forme de nécessité, une sorte de, voilà, il faut s'échapper, il n'y a plus vraiment d'échappées possibles du point de vue géographique parce que le monde est connu, il y a les espaces exotiques, là j'extrapole beaucoup, hein, mais les espaces exotiques réels se diminuent de plus en plus et en quoi ils occupent une fonction mentale, cognitive, psychologique d'espaces dans lesquels tout reste possible, dans lesquels tout peut se construire, dans lesquels on peut tisser des sociabilités particulières. Ça peut être le cosplay par exemple, pour ceux qui le connaissent, voilà. Ça, c'est un point intéressant, c'est-à-dire le fait qu'on puisse créer des espaces comme ça à l'infini. Par exemple, tu évoquais le cas de Harry Potter. Je pense qu'il y a un phénomène extraordinaire avec justement l'ouverture du parc, hein, qui, en fin de compte, par le biais finalement des sept tomes, on a créé des espaces que maintenant les lecteurs veulent, dans lesquels les lecteurs veulent vraiment vivre. Qu'ils veulent pratiquer. Et donc là, il y a un afflux vers Lisbonne pour pouvoir aller investir donc, les anciennes usines Boeing hein, pour essayer de retrouver les salles de cours de Poudlard. Il y a un afflux vers l'école d'ailleurs. Mais je pense que plus qu'un observateur, qu'on analyse ce genre de choses, c'est quand même relativement intéressant. C'est-à-dire que comment ces ouvrages-là, alors les jeux vidéo, je pense que c'est la même chose, comment ils sont créateurs d'espace à l'infini. Et ils suscitent finalement une envie de vivre une vraie vie, elle n'a pas virtuelle quoi, à l'intérieur de ces espaces-là. Avec un foisonnement, il y a des productions cartographiques, enfin, ça veut exactement. Ouais. Et tu as créé du récit supplémentaire. Ouais. C'est exactement le cas, enfin, c'est valable aussi pour les jeux vidéo. Alors, sur le tourisme un peu Harry Potter, il y a Thierry Joliveau qui a un peu travaillé là-dessus, qui est prof à Saint-Etienne et qui travaille un peu avec nous sur les jeux vidéo. Et sur les lieux, en fait, les lieux de tournage qui viennent des lieux touristiques. Hein, donc, Amélie Poulain, c'est pareil, enfin, on a beaucoup fait pour le café du Moulin Rouge, enfin bon voilà, donc il y a Harry Potter et il y en a d'autres, la Nouvelle-Zélande aussi, le tourisme de Star Wars. Suite au Seigneur des Anneaux, Zarzawi, il y a le côté mise en tourisme, et puis il y a évidemment le côté production fan, hein, ce qu'on appelle parfois la production fan, c'est-à-dire les joueurs de jeux vidéo qui veulent prolonger l'expérience vidéoludique en dessinant des cartes, en fabriquant des récits qu'ils mettent ensuite à disposition aux autres joueurs, ou en discutant tout simplement, ou en se déguisant, ou en assistant à des conventions. Alors pas encore à des séminaires de recherche malheureusement, mais ça viendra peut-être. Donc effectivement, on sent bien quand même, mais encore une fois, c'est pour ça qu'il faut bien replacer à mon avis la pratique vidéoludique dans le champ des pratiques culturelles. La volonté de prolonger cette pratique vidéoludique par d'autres formes d'expériences culturelles et de la partager avec d'autres communautés. Et les industriels l'ont bien compris, c'est pas pour rien si de plus en plus le jeu sort en même temps que le film, hein, ou que le jeu sorte après le film, ou le film même sorte après le jeu. Assassin's Creed va être décliné au cinéma. Il me semblait qu'il y avait un projet aussi de décliner World of Warcraft au cinéma, je sais pas ce qu'il en est. Prince of Persia par exemple, bon, voilà, c'est des... mais qui eux-mêmes s'inspirent d'un certain cinéma, donc il y a vraiment des circularités. Il y a Alexis Blanchet a fait sa thèse justement, donc en cinéma, une thèse d'études cinématographiques justement sur le rapport entre l'industrie du cinéma et l'industrie du jeu vidéo. Il a analysé très précisément selon les périodes cette circulation justement des productions vidéoludiques et cinématographiques. Les dernières questions, profitez-en. Bah oui. Personne ne sait ce qui se passe en Corée du Nord. Ce serait un peu long là, mais effectivement, il y a plein. Alors, bon, peut-être pour faire court. Alors, sur les jeux iraniens, il y a une partie des jeux iraniens qui ont été édités, qui sont disponibles en Europe. Hein. Garchar, on peut l'acheter par exemple. Après, est-ce que ça va nous parler? J'en suis pas si sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement faire de la politique que de dire on met pas en scène des jeux, justement des situations politiques contemporaines. Dire ça, c'est déjà faire de la politique. Aller puiser dans la mythologie perse, c'est faire de la politique. Et on voit bien d'ailleurs les contradictions avec ce jeu sur Salman Rushdie. Donc d'un côté, il y a un discours qui consiste à dire nous, on ne fait pas d'idéologie, contrairement aux Américains qui mettent en scène des raids terroristes à Téhéran, mais on met en scène, voilà, on glorifie des personnages mythologiques de l'histoire perse. Donc c'est quand même des discours un peu ambigu. Donc oui, là-dessus, je suis d'accord. Sur les jeux violents, je ne voulais pas en parler, mais... parlons-en deux secondes. On peut faire des catégories. Et ce qu'on peut relever, par exemple, c'est l'évolution du méchant. En particulier dans les jeux de guerre dits réalistes, hein, donc pas les jeux futuristes, mais dans les jeux de guerre réalistes. Alors, est-ce que ça tient de l'idéologie ou tout simplement de l'ancrage historique? Mais il est très clair que les jeux de guerre des années 80 et 90 sont largement inspirés de la guerre, enfin, des situations de la guerre froide. Donc c'est souvent des jeux qui opposent le bloc... de l'Ouest au bloc de l'Est, même s'ils portent des noms différents, comme dans le jeu Command & Conquer, ça s'appelle pas les États-Unis et la Russie, ça porte d'autres noms, mais il y en a un qui est en bleu et l'autre en rouge, enfin bon, voilà, on reconnaît quoi. Et donc il y a eu ces jeux très datés de la période de la guerre froide, qui ont laissé place, plutôt depuis les années 2000, à des jeux qui sont plutôt datés de la période de la lutte contre le terrorisme, où là, le méchant, c'est plus le communiste, mais c'est le terroriste. Il est souvent le terroriste arabe, hein, mais avec tous les mélanges possibles, enfin, toutes les confusions possibles. À côté de ça, il y a des productions assez rigolotes, comme America's Army. Alors, America's Army, c'est un jeu de guerre, qui est financé par l'armée américaine. Et c'est un jeu où on ne peut jouer que des soldats américains. Donc, c'est un jeu qui se joue par équipe. Hein, on affronte toujours une équipe adverse. Mais chaque joueur joue l'équipe américaine et chaque joueur a en face le terroriste. Parce que graphiquement, il voit que c'est un terroriste. Et donc tout le monde a l'impression d'être le gentil américain et personne ne joue le méchant. C'est rigolo comme exemple. Hein, mais voilà. Donc oui, il y aurait des typologies à faire et des analyses de ce type. Oui, vous avez dit au niveau des jeux de guerre, justement, ça représente au niveau des produits qui sortent 20 à 30%. Les jeux sérieux. Alors, j'ai pas fait le calcul. Ouais. Non. Alors, bon, déjà sur les jeux de guerre, j'ai fait le calcul juste pour le mois d'octobre, parce que il faudrait prendre tous les mois, toutes les plateformes, ce serait assez long, et plus les jeux distribués en ligne. Donc, j'ai fait le calcul que pour le mois d'octobre. Ce qui est intéressant, c'est plutôt les grosses sorties. C'est pas tellement la production en basse continue, c'est vraiment les gros hits, ceux qui sortent. Et qui font des millions de ventes. Call of Duty 4, je crois que c'était $1 milliard de chiffre d'affaires en deux semaines. Et ça, c'est les jeux de guerre. Voilà, ces jeux-là, ce sont essentiellement les jeux de guerre. Sur les jeux sérieux, je ne sais pas. Enfin, je ne pourrais pas dire, parce que d'une part, je ne travaille pas spécifiquement sur ces questions-là. C'est une tendance qui est émergente, hein. Il y a de plus en plus de jeux sérieux, y compris des jeux produits par des institutions publiques, mais je serais incapable de vous... À mon avis, c'est une minorité. Hein. Par rapport à l'ensemble de la production vidéoludique, ça reste une minorité. En tout cas, en termes de chiffre d'affaires, c'est une goutte d'eau. Alors, on fait des grands signes, vu l'heure tardive, peut-être... sauf si vous avez encore quelque chose à rajouter en visio-conclusion, mais en tout cas... Bah pour conclure cette soirée, remercier, alors, je vous demande de rester en place pour écouter les remerciements parce que c'est important, donc les intervenants bien sûr, pour la qualité et leur disponibilité de leur intervention. vous remercier d'être venus aussi nombreux et puis quand même remercier très très très largement toutes les personnes qui sont venues dès 19h30 préparer la salle, toutes les personnes qui ont contribué à diffuser l'information. Évidemment, ce sont les adhérents de Confluence, d'Espace et de l'Université Populaire qui sont particulièrement bien représentés ce soir. Vous rappelez également que vous avez dû consommer, que vous assistez à une activité qui est gratuite, sans doute, mais qui a un coût, et que pour supporter ce coût, nous sommes évidemment ouverts à votre soutien. Donc ça passe par une adhésion ou une forme de don à l'Université Populaire ou aux associations, aux membres du comité d'organisation. Voilà, les prochains rendez-vous des Cafés Géo, c'est l'actualité encore plus brûlante, où là, on ne parle pas tout à fait de jeu de guerre, mais c'est de la vraie guerre. Donc Syrie, l'Orient compliqué, le 27 novembre prochain, donc ça tombe un mardi, hein, faites attention, toujours à 20h30, toujours ici, avec Michael Davy, donc géographe à l'Université de Tours. Et puis après, on enchaînera au mois de janvier avec Europe et territoires sur la question comment l'Europe aménage ses territoires. Et je vous laisserai découvrir, bien évidemment, tous les autres programmes dans cette plaquette que vous pouvez trouver à l'entrée. Si vous souhaitez avoir des renseignements sur nos activités, vous avez nos sites internet, donc universitépopulairetours.fr. Celui de Confluence ne marche plus, et celui d'Espace, vous le trouverez sur la plaquette, donc c'est espacelcaplo.com. N'hésitez pas à aller voir toutes les personnes impliquées dans l'organisation pour leur demander des renseignements. Il doit sans doute rester quelques 2-3 trucs à boire et à manger, n'hésitez pas. Voilà, et merci encore, bonne soirée à tous. Merci à vous. Merci.